rappeler quelles étaient les options ? On avait la possibilité d'augmenter le budget marketing. Et on s'est dit qu'avec ce montant-là, on ne savait pas faire grand-chose. Okay, pour vous donner une idée, une annonce en prime time de 30 secondes avant le journal télévisé sur TF1, ça va vous coûter par passage 70 000 euros. Et avec ça, vous êtes encore nulle part, évidemment, parce que si vous la passez qu'une seule fois, on ne va même pas vous remarquer. Deuxièmement, rien que la conception et la réalisation de la vidéo en question ou du message publicitaire en question va vous coûter au minimum aussi 50 à 100 000 euros. Et donc, avec 350 000 dollars, on n'annule pas. Première chose. Il y avait la deuxième option qui était de baisser ses prix de 20%. Vous vous souvenez ? Alors ça, c'est une stratégie que beaucoup adoptent, hein, mais qui finit par foutre en l'air tous les marchés. Donc on a habitué le client à payer moins cher, eh bien il trouve ça très confortable et très chouette, et donc il s'attend à ce que la fois suivante aussi ce soit moins cher. Ce qui fait qu'il y a certains marchés où personne n'achète plus que quand il y a réduction de prix. Par exemple, les vêtements, aujourd'hui, ma femme me dit régulièrement, « Oh ben, je vais attendre les soldes. » Et donc, on attend que le produit soit vendu sans marge pour l'acheter. Mais je vais vous donner d'autres exemples qui sont plus courants. Aujourd'hui, on achète quasiment du café que quand il est en promo. On achète quasiment du dentifrice que quand il est en promo. Et à ce moment-là, on en achète 2-3 pubs. De toute façon, on les utilisera. Et donc, il y a des marchés qui sont complètement devenus non rentables parce que on n'arrive plus à faire de la valeur. Or, pour pouvoir exister, il faut d'abord faire rentrer des sous dans l'institution, dans l'entreprise. Si vous n'arrivez pas à faire rentrer des sous dans votre théâtre, vous n'allez pas pouvoir jouer vos pièces. Alors il y a plusieurs manières de faire rentrer les sous dans le théâtre. C'est ou bien avoir beaucoup d'entrées ou des entrées que les gens payent cher, ou bien être subsidié. Mais pour être subsidié, il faut convaincre. Il faut convaincre qui ? Eh bien, un client qui se trouve être le pouvoir politique, qui lui va décider oui ou non de vous accorder des subsides. Donc, on est toujours dans une démarche marketing avec un client. Okay. Ça, c'était la deuxième option. Et donc, moi, je déconseille la plupart du temps de baisser ses prix parce qu'on détruit de la valeur. La troisième option, c'était quoi ? C'était d'engager un vendeur supplémentaire. Juste ? Vous vous souvenez ? Pardon ? Et il y avait aussi l'option de ne rien faire, mais ça on avait vu que si on ne fait rien, eh bien il y a érosion progressive mais lente du chiffre d'affaires, les frais fixes vont augmenter, et donc qu'est-ce qui se passe ? Si vous ne faites plus rentrer de l'argent en croissance et que les frais continuent à augmenter, eh bien, il y a un moment donné où les frais dépassent la marge que vous faites rentrer, et vous ne pouvez plus continuer à exister puisque vous êtes en place. Donc ça, ce n'était pas une bonne solution non plus. Alors, est-ce que la bonne solution, c'était d'engager un vendeur de plus ? Alors, je voudrais vous faire réfléchir. Vous vous souvenez combien ils avaient de vendeurs ? 8, d'accord ? Et combien ils avaient de clients ? Vous vous souvenez ? Il travaillait avec à peu près 200 clients. Ok ? Ça fait combien de clients ? client par vendeur. Allô, allô, vous êtes avec moi? Vous êtes tellement littéraire que vous ne savez plus faire une division. 25. 25. OK. 25 clients, ça veut dire que, disons qu'ils travaillent 50 semaines, hein, tous les combien de temps ils visitent leurs clients? C'est niveau école primaire, ça, hein? Deux fois par semaine. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'ils foutent ces vendeurs deux fois par semaine chez les mêmes clients? Je comprends que le client trouve qu'ils offrent un service extraordinaire. Parce que, si vous vous souvenez, il est dit dans le cas à un endroit qu'il y a même des moments où c'est eux qui tiennent la caisse pendant que le gars va faire pipi. Ou... Attends, c'est le rôle d'un vendeur, ça? Qu'est-ce qu'ils foutent, ces vendeurs-là? Ils glandent, non? Vous trouvez qu'il faut, il faut engager un vendeur supplémentaire? Quand vous avez des vendeurs qui vont deux fois par semaine chez le même client et qui sont payés un fixe élevé, puisqu'ils sont payés, si je me souviens bien, 30 000 dollars, c'est ça? Et qui touchent en plus 1% de vente sur les ventes pour quasi ne rien faire. Vous ne trouvez pas que c'est un système un peu bizarre, ça? Est-ce qu'il faut vraiment engager un vendeur de plus? Ou il faut réorienter le système de performance des vendeurs? Et on ferait comment alors? Parce que ce qu'on a décidé comme stratégie, c'est d'essayer de se développer auprès des revendeurs de peinture, en particulier dans la ruralité, d'accord? Alors, comment est-ce qu'il faudrait juger de la performance des vendeurs? Oui. Voilà, donc en fait, ce qu'on devrait faire, c'est pas de l'entretien de clientèle existante, sur laquelle en plus on donne 1% des ventes alors qu'ils font rien. Le client il est déjà là, et de toute façon, il a besoin de la marchandise, donc il commande. Donc il n'y a aucun effort à faire, aucun incentive. Il vaudrait probablement mieux pousser par un incentive, donc par une récompense, un objectif, les vendeurs à conquérir des nouveaux canaux de distribution, conquérir des nouveaux revendeurs. Et alors là, éventuellement donner une prime qui pourrait même être plus importante, qui pourrait même être un montant fixe en dollars ou en euros. Vous voyez qu'en fait, toute la démarche commerciale doit être guidée par les objectifs marketing qu'on a définis. Et si notre objectif marketing est conquête de nouveaux canaux de distribution, ce qui était le cas, eh bien, il faut que les objectifs qu'on fixe au personnel responsable du commercial soient en cohérence avec cet objectif-là. Et leur donner 1% sur tout ce qui se vend, même s'ils n'ont fait aucun effort pour le faire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça ne va pas les pousser à faire quoi que ce soit. Au contraire, ça va les pousser à ne plus aller chez le client le plus sympa et jamais chez ceux qui les engueulent. Ça va les pousser à aller chez les clients avec lesquels on va bouffer ou bien chez les clients chez lesquels il y a une jolie femme à la réception. Ou bref, ceux qui sont les plus près de chez eux, ça, ils se poussent pas trop le derrière, en fait, ils font plus d'efforts. Et donc, on va avoir des ventes qui vont stagner parce qu'on ne va jamais va jamais aller à la rencontre des objectifs. Donc, très important que tout le schéma de fonctionnement, toute l'organisation soit en cohérence, en congruence avec les objectifs marketing qu'on s'est fixés. Si l'objectif marketing, c'est conquête de nouveaux canaux, eh bien, il faut que les pétards et les carottes, donc les indicateurs de performance et les mesures de récompense ou de réprimande, soient orientés dans le même sens que les objectifs marketing. Ça va ? Alors, il n'y a aucune politique de commissionnement des vendeurs qui est à 100% excellente. Il y en a de multiples. La première, c'est le 1% sur toutes les ventes. Je trouve que c'est assez stupide. Je préférerais donner, par exemple, une prime à la conquête d'un nouveau client. Et pendant la première année avec celui-là, peut-être 3% sur les ventes. Mais sur des clients qu'on a déjà fait et où la vente est régulière et où il n'y a aucun effort à faire, je donne 0,5% de commission. Vous voyez ? Donc on peut faire varier. Alors en plus, donner une commission sur le montant des ventes, c'est très très dangereux. Pourquoi ? Justement à cause de ce que je viens de vous dire dans la remarque précédente, si vous voulez avoir une belle com, eh bien c'est très simple. Vous acceptez, chaque fois que le client vous dit « Tiens, fais-moi une ristourne là-dessus. » Ok, pas de problème, je vous donne 15% de ristourne. Et donc vous avez vendu avec zéro de marge, mais vous touchez quand même 1%. C'est pas dans l'intérêt de l'entreprise, ça. Hein? Donc, idéalement, vous ne donnez la commission au vendeur que sur la marge qu'il fait rentrer. 1% de la marge brute en euros, ça, d'accord. Mais 1% des ventes avec une marge zéro, ça ne m'arrange pas du tout, ça. Ça ne m'arrange pas du tout. D'accord ? Oui ? On pourrait également engager un superviseur ou même un coach. Oui, tout à fait. Et c'est certainement une des choses, à mon avis, on ne devrait pas l'engager. Ils sont déjà largement suffisamment nombreux, mais on pourrait prendre le meilleur ou le plus expérimenté, qui devient chef des ventes et qui, effectivement, coach tous les autres en les aidant à faire de la conquête. Parce que probablement que ces types-là, ils se sont tellement bien assis confortablement dans leur position de sa ventre, hein, qu'ils n'ont plus beaucoup de motivation et qu'ils ne sont peut-être pas très expérimentés dans la conquête. Et donc, il faudrait leur amener quelqu'un qui les aide à conquérir. Parce que c'est vrai que, et vous allez constater ça quand vous allez devoir faire des démarches, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, pour ne fût-ce qu'aller trouver un professeur pour qu'il accepte de prendre votre sujet de mémoire, eh bien, vous êtes dans un acte de vente. Hein. Eh bien, ce n'est pas facile. Il faut aller frapper chez un inconnu. Et pour le moment, avant qu'il ait ouvert la porte, il ressemble à un Tyrannosaurus Rex, hein, une espèce de monstre qui va bouffer tout cru. À quelle sauce est-ce que je vais manger ? Et donc, c'est pas facile d'aller conquérir. C'est pas facile d'aller demander à un fonctionnaire du ministère de la Culture du pognon pour alimenter une troupe de théâtre. C'est pas facile du tout. Ça demande un effort énorme d'assertivité, de confiance en soi, de sens de l'action, plutôt que de la passivité, de la « s'il vous plaît », de la pitié, de la mendicité. C'est extrêmement difficile. Ça demande beaucoup d'efforts. Pensez à la démarche marketing quand vous aurez à faire ça. Parce que si vous êtes bien préparé, ça va vous aider beaucoup. Parce que vous vous sentez beaucoup mieux armé pour affronter cet inconnu. D'accord ? Bien. Alors nous allons continuer notre pérégrination dans la démarche marketing. Est-ce que nous avons encore des questions sur le case study Jones Blair ? Une question de... Vous dites que c'est important de fidéliser, de garder, de maintenir cette fidélité du client, mais le fait d'enlever quelque chose. chose qui est considérée comme acquis au client, déjà, parce que ça ne va pas les... C'est pas le problème. Qu'est-ce qu'on va enlever? Le fait de l'inflation quasi quotidienne, de proximité. Est-ce que vous pensez qu'il a besoin de ça? En soi, non. Parce que le commerçant, il a autre chose à foutre. Je peux vous dire que les commerçants, quand ils voient arriver un représentant de commerce, et c'est tous les jours, ils disent, oh non, pas encore un. J'ai autre chose à faire, j'ai mon stock à ranger, j'ai 10 clients qui font la file pour le moment, je dois laisser... Bon, vous attendrez, hein. Et en fait, c'est ce qui se passe. Hein. C'est une des sources d'inefficacité des vendeurs, c'est qu'ils doivent poireauter. Un délégué commercial d'une entreprise pharmaceutique, qu'est-ce qu'il fait? Il va visiter des médecins pour les convaincre que la molécule que eux vendent est la meilleure pour traiter la pneumonie. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive chez le médecin, il sonne, le médecin dit « Ok, dans la salle d'attente, s'il vous plaît. » J'ai 6 patients d'abord. Hein. Et donc, il traite d'abord les 6 patients, et le gars poireaute une heure et demie, et puis il a 10 minutes face au médecin pour lui montrer sa doc et lui expliquer, et puis le médecin lui. D'accord? Donc, en fait, s'il ne vient pas tous les 2 jours, j'aime autant. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, justement, à eux de continuer à donner la perception que le service reste le même, même si je ne passe pas. Je peux très bien téléphoner pendant que je suis en voiture. Hein. Tout va bien? Et tu as vendu les nouveaux produits que je t'ai amenés? Ah, il t'en faut encore? Ben d'accord, j'en prends note. Ok. Et un client t'a dit ça. Ah, je vais voir si on peut régler le problème. Tout ça peut se passer sans aller visiter, hein. J'ai fait ça pendant des années et ça se passe très très bien à distance. Du moment que vous avez acquis la confiance de la personne, et ça, ça prend du temps. Je vous donne un exemple. Il y a tellement longtemps, il y a prescription. J'étais directeur commercial d'une entreprise de franchising donc qui avait... des supermarchés opérés par des indépendants, ok, et j'étais responsable commercial pour eux. Donc mon but était de faire en sorte que leur chiffre d'affaires progresse, comme ça le nôtre qui fournit à eux progresse aussi. Il m'a fallu pour certains au moins 8 mois avant qu'ils m'ouvrent le tiroir en bas à droite, là où il y a les vrais chiffres de vente. Vous savez, le carnet noir dans lequel est noté aussi le contenu de la caisse à roulettes, celle qui n'est pas reliée au système informatique, et qu'on sort tous les vendredis et les samedis, de façon à avoir une caisse en plus le jour de l'affluence. En gros, disons que la TVA n'est pas déclarée. Vous voyez? Je peux difficilement parler plus clairement. Okay? Il faut 8 mois avant que le type décide que, ouais, ça c'est une personne à laquelle je peux faire cette confiance-là, je vais lui ouvrir le tiroir en bas à droite et lui montrer mon carnet. Une fois que vous êtes instauré dans cette relation, vous n'avez plus besoin d'aller tous les jours. Hein. On se fait confiance et voilà, il sait très bien que je n'en parlerai pas, sauf 20 ans après, dans un auditoire et en ne disant pas son nom. Hein. Ok? Oui, parce que le noir, ça existe quand même un peu en Belgique. C'est vraiment très clair. Mais pas chez vous, hein. Ni chez moi. Oui. Pour réorienter la performance des vendeurs, bon, c'est bon, on peut non seulement vous la performance pour vos primes, mais oui. On peut aussi vous ouvrir à d'autres intermédiaires, avec des scripteurs qui peuvent parler du produit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et qui, à qui pensez-vous, par exemple? À des spécialistes dans la peinture. Oui. Mais justement, est-ce que, en fait, le revendeur en ruralité, c'est pas justement celui-là? Souvent, c'est le canal de distribution qui est mon meilleur prescripteur. Hein. Un concessionnaire auto, bien sûr qu'il va vanter les mérites de la voiture en question. Hein? Donc, le concessionnaire est un très bon prescripteur pour le revendeur de peinture dans la ruralité est un très bon prescripteur pour moi. Mais vous avez raison, étendons le raisonnement, un très bon prescripteur, ça pourrait être par exemple aussi un architecte spécialisé dans la rénovation des maisons. Et qui va vous dire, attendez, vous voulez peindre la maison, utilisez une bonne peinture, hein, quelque chose qui va tenir, hein, parce que les conditions climatiques dans ce pays, c'est pas la joie, donc utilisez, sinon vous allez gaspiller de l'argent. Peut-être ça va être bon marché, mais ça va tenir que 2 ans, et dans 2 ans, vous devez repeindre. Donc, utilisez plutôt du John Deere qui tient. Hein. Si on peut avoir quelqu'un qui vous dit ça, alors là, on est gagnant. Il va peut-être pas le faire pour rien. Ça va peut-être nécessiter qu'on l'invite au restaurant et qu'on le convainque. Donc on va peut-être le convaincre sur un chantier où on va pour une fois fournir la peinture gratuite. Il va pouvoir tester et puis dire, après, je mets dans mon cahier des charges systématiquement, il faut de la peinture jaune vert. C'est un très bon moyen d'influencer le marché. Et ça coûte beaucoup moins cher que de faire de la pub à la télé. Hein. Et on n'y pense jamais assez. Les prescripteurs sont des outils de communication marketing extrêmement puissants et des multiplicateurs. Et aujourd'hui, on a à sa disposition des moyens comme tels qu'on peut n'utiliser que ça. Facebook, Twitter, etc., c'est des prescripteurs. Enfin, les gens qui l'utilisent sont des prescripteurs. Attention, potentiellement, ça peut être des prescripteurs négatifs aussi. Ils peuvent dire, n'achetez pas ça, c'est de la merde. Donc, on met, à partir du moment où on confie sa communication à un intermédiaire, on n'est pas toujours sûr de ce qu'il va dire, évidemment. Sauf si on paye pour, de nouveau. Mais de nouveau, alors ça coûte. OK ? Mais bonne intervention. On peut, et faites de grâce appel au prescripteur dans tout ce que vous faites comme communication. Bien. On est là dans notre schéma. On vient de déterminer notre positionnement. On sait qu'on a une position de leader en ce qui concerne, par exemple, Jones Blair. On est le leader en qualité sur le marché texan, Arkansas, Oklahoma et New Mexico. On est le leader en produits de qualité, c'est longévité du produit. Et bien, c'est ça qu'on va essayer d'implanter comme image dans la tête de notre client cible. Okay? Et pour y arriver à implanter cette image dans la tête de notre client cible, on va utiliser les armes de ce qu'on appelle le marketing mix, c'est-à-dire toutes les armes qui nous permettent de créer cette image dans la tête du client cible. Et le marketing mix consiste à définir une proposition marketing, c'est-à-dire une proposition marketing, ça veut dire le produit avec son prix et son image, en gros. Ok ? Ça, c'est une proposition marketing. Marketing proposal. En anglais. Et donc, on va construire ça. Alors, le marketing mix, c'est là qu'interviennent les fameux P du marketing, dont on vous a certainement déjà rabâché les oreilles. OK ? Les fameux 4 P du marketing. Vous vous souvenez ? C'est quoi déjà ? Oui ? Oui ? Oui ? Oui. Oui, d'accord. Promotion, prix, place et produit. Alors, produit, on voit ce que c'est. Hein? C'est l'idée qu'on va construire un produit qui correspond à l'image qu'on veut donner. Vous êtes le plus désaltérant. Vous allez devoir créer un produit qui désaltère. OK ? Promotion, ça veut dire toute la communication qu'on va faire. La pub, la relation publique, la communication avec les prescripteurs. Le problème avec promotion, c'est que on a tendance à ne considérer que la pub. Alors qu'il y a, vous le verrez avec vos professeurs de communication marketing, mille et une manières de communiquer. Troisième chose, le prix. Eh bien, on va voir ensemble comment on peut moduler son prix. Et là aussi, je trouve ça un peu désagréable, parce que systématiquement, quand on pense prix, on pense réduction de prix. Et je vous ai déjà dit que, économiquement, c'était souvent une mauvaise idée. Et on pense également à place. Place, c'est non pas le positionnement, hein, attention, pas confondre positionnement et place. On dit P de place, c'est l'endroit où ça se vend. Et en fait, on devrait plutôt dire canal. C'est le canal de distribution. Pour se procurer ce produit ou ce service, il faut faire telle démarche. Donc en fait, ces notions de produit, prix, promotion et place ont un peu vieilli par rapport à l'évolution du monde. Et ils ont tellement vieilli qu'on a, on s'est cru obligé pendant tout un temps d'essayer de compléter un peu, parce qu'on était un peu étriqué dans ces fichus 4P. Alors il y a beaucoup plus d'armes que ça. Alors progressivement, on a inventé des P supplémentaires. On en est arrivé dernièrement à faire 8P du marketing. Alors je voulais note là, les 4 premiers, on vient d'en parler. Mais on s'est rendu compte aussi que, par exemple, pour aller vendre chez des revendeurs dans la ruralité, chez Jones Blair, eh bien, on a besoin d'un type de vendeur avec un autre profil que ceux qu'on a. Puisqu'il faut des concurrents et pas des types sympas qui tiennent la caisse pendant que l'autre va faire pipi. C'est pas le même profil, hein. C'est des gens beaucoup plus proactifs, beaucoup plus, à la limite, agressifs, si on peut dire. Et donc, on a besoin de personnes différentes. Pour vendre un produit lessiviel, est-ce que je dois utiliser un mannequin comme Naomi Campbell? Ou quelqu'un qui ressemble à Madame Tout-le-Monde? Dans ma pub, les personnes que je vais utiliser vont varier en fonction de l'image que je veux. Donc, les personnes qu'on va mettre en œuvre dans notre communication marketing vont varier. Donc, on devrait penser à personne aussi. Process. Le processus d'accès au produit. Par exemple, ce soir, il y a match. J'ai pas envie de faire à bouffer. Qu'est-ce qu'on fait? Pizza. Quel est le processus d'accès à la pizzeria? Y en a deux possibles. Il y en a trois. Je fais la pizza moi-même. Mais justement, j'ai pas envie aujourd'hui parce qu'il y a match. Okay. Deuxième possibilité. On va manger une pizza à la pizzeria. Oui, mais le match commence. Et je suis pas sûr qu'on voit le match à la télé à la pizzeria. Troisième possibilité, c'est on commande et on va la chercher. Oui, mais alors c'est toi qui y vas, Chou. Parce que moi je suis devant le match. Hein. Ou alors on va à la mi-temps. Quatrième possibilité, on t'a fait livrer. Donc, l'accès au le produit est le même, le prix est le même, mais l'accès est différent. Le processus d'achat est différent. Il est plus compliqué, ou moins compliqué, ou plus contraignant, ou moins contraignant. Quel est le processus d'achat? Et alors, ça peut aller très très loin. Par exemple, il y a un théâtre comme ça qui a conquis une clientèle très large, simplement en prévoyant un voiturier. Parce que aller au théâtre, je ne sais pas la dernière fois que ça vous est arrivé, mais moi la dernière fois que ça m'est arrivé, je me dis pas de problème, aller vers le centre-ville un samedi soir, no problemo, oh, à part ça, embouteillage, totemmètre dans la rue de la Loi. Et puis vous arrivez sur place, et vous tournez, et vous tournez, et vous tournez, et Pop Fordum, il n'y a pas de place. On va arriver en retard, ça va être commencé. Stress. Le théâtre, le public, il dit, amenez-vous, vous déposez la bagnole, et puis vous entrez. Cool, il y a un bar. Et pendant qu'on garde, nous, votre voiture, vous pouvez, cool, au bar, commencer la soirée à l'aise et relax. C'est génial. D'autant plus qu'il a aussi prévu babysitting pour les gosses, repas après, parce qu'il y a une taverne. C'est super cool, ça. Le processus aller au théâtre devient pour moi beaucoup plus simple. D'accord ? C'est un génie, Castel, le Pauvre. Le process, donc. Ah oui, aujourd'hui, si vous ne vous préoccupez pas de la planète, en plus, vous n'existez même pas. Hein. Si vous polluez la couche d'ozone, ça ne va pas aller du tout. Hein. Quoi ? Dans votre magasin bio, on vend des bananes. Mais quelle horreur ! C'est venu en avion, les bananes, hein, parce qu'on les cultive en Belgique, hein, les bananes. Donc, l'empreinte écologique, c'est devenu une arme de vente, hein, pour pas mal de produits. Physical evidence, c'est un autre P qu'on a inventé, en particulier pour tout ce qui est service. Parce que c'est très difficile pour un service qui est immatériel. Le service, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le prendre en main, on ne peut pas le boire. Il n'a ni goût, ni odeur. Et une fois qu'il a été presté, eh ben, il disparaît. On a fait l'entretien de votre voiture. Est-ce que ça se voit? Est-ce que ça se sent? Est-ce que ça s'entend? Est-ce que ça peut se toucher? Non. Donc, est-ce qu'on a bien fait l'entretien de votre voiture? À la limite, vous posez la question. Alors, comment est-ce qu'on pourrait en être sûr? Un bon garagiste, il va bien faire l'entretien de votre voiture. Mais comment est-ce que je peux, moi, percevoir qu'il est bon? Ah, ça peut-être bien, ça peut-être bien. Mais rappelez-vous qu'une facture, c'est un stimulus négatif, hein, aussi. Donc, quand je vais voir la facture bien détaillée, je vais voir qu'il y a 10 euros pour avoir mis de l'huile dans mon moteur. Punaise, il me compte 10 euros pour ça? Mais ça, je sais faire moi-même, hein. Et puis, il a compté 15 euros pour vérifier une plaquette de... Quoi, 15 euros? Vous voyez, ça peut créer un stimulus. Mais vous avez raison, c'est la facture est une des seules tangibilisations du service presté. Et si cette seule tangibilisation-là est négative, quelque part, c'est pas assez bon garagiste que ça. Donc, en fait, je risque de transmettre une image négative avec avec ma facture. Par exemple, si un service dans les autres services. Donc je vais donner une cote. C'est ça. Mais comment est-ce que je vais donner cette cote? Puisque je ne sais pas évaluer. Moi, je ne suis pas garagiste. Je ne sais pas s'il a bien fait son boulot. Oui? Pardon? Si l'entretien a bien été fait, la voiture n'a pas fait. Oui, d'accord, mais ça passe au contrôle technique après 4 ans seulement. Donc si la voiture a moins de 4 ans, vous n'allez pas le savoir. Alors, en plus, le contrôle technique, c'est... Il n'y a aucun danger. Ça n'est pas, ça a été bien fait. Hein. Mais on ne vérifie pas s'il a rajouté de l'huile au contrôle technique. Hein. on ne vérifie pas si votre essuie-glace a bien reçu de l'eau avec un petit peu d'alcool dedans pour éviter que ça ne colle. Et pour dégivrer tout ça, on ne vérifie pas en contrôle technique. Hein. On vérifie juste si votre voiture n'est pas un danger public, c'est tout. Hein. Par rapport peut-être aussi à la confiance, le garagiste va certainement s'occuper de la voiture dans d'autres circonstances, comme réparer, je ne sais pas, un capot ou autre. Oui. Et donc il y a une confiance qui va s'installer. Ok. Et par la suite, on pourra s'installer. Mais ça veut dire qu'il faut attendre quelque chose de tangible. Je vais vous suggérer peut-être deux, trois trucs. Hein? On commence par dire, cher client, voici la liste des points que nous avons vérifiés. Voici notre carnet de travail. Vous en recevez une copie. Et on voit, vérifier la pression des pneus, check it. Vérifier le niveau d'huile, check it. Vérifier l'eau et l'alcool dans le lave-vitre, check it. Et puis en dessous, c'est signé par la personne. Voilà qui tangibilise le travail effectué. Et puis en plus, hein, j'ai même fait un petit tour dans la voiture après pour vérifier s'il n'y a rien qui cliquette et si le moteur tourne rond, ok? Ah oui, mais attention, parce que si je fais ça, avec ma salopette pleine de cambouis, je vais foutre des taches sur vos sièges en cuir beige, et ça, c'est pas la joie. Donc, je suis un bon garagiste. Je fais quoi? Je mets un plastique sur le siège. Et je le laisse. Comme ça, quand vous arrivez, je dis, attendez, cher client, j'ai mis un plastique sur votre siège pour le protéger. Pendant que je faisais un tour de vérification, je l'enlève. Oh, ça, c'est un bon garagiste. Là, vous voyez, j'ai tangibilisé la qualité de ma prestation. Physical evidence. La preuve physique de la qualité de mon service. C'est très important en matière de service. Parce que souvent, on fait beaucoup d'efforts, mais je vous ai déjà dit que tout ce que le client ne perçoit pas, c'est comme si ça n'existait pas. Et donc, si je peux utiliser cette arme du marketing mix pour élever mon niveau de leadership en qualité de service, eh bien, il faut que je rende ça tangible. Vous avez compris ça? Oui. On pourrait effectivement donner une garantie. La garantie, c'est une des manières de tangibiliser la qualité du produit. Par exemple, moi, quand j'avais votre âge, je vous l'ai déjà dit, je pense, j'ai acheté un détendeur de plongée sous-marine. Et j'ai acheté celui-là, Scuba Pro Mark 5 à l'époque, parce qu'il était garanti à vie. Un bidule auquel vous confiez votre propre vie, qui est garanti à vie, ah ça c'est un avantage compétitif par rapport aux autres. En attendant, depuis 40 et quelques années, je pense, il m'a coûté 20 fois son prix, puisque la garantie à vie était à condition que je l'amène en entretien tous les ans. Ce que j'ai fait, et à chaque fois, pour tangibiliser l'entretien, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, vous allez rechercher le détendeur et on vous donne un petit sachet. Voici toutes les pièces qu'on a remplacées. Ce qui tangibilise qu'ils y ont fait quelque chose. Ok? Tous les joints ont été remplacés. Des pièces avec un petit peu d'usure ont été remplacées, des pièces avec un petit peu d'oxydation ont été remplacées. Et donc, à chaque entretien, je voyais qu'ils avaient fait quelque chose. Ça me rassure terriblement. Et c'est pour ça que je suis prêt à vous dire le nom du produit en question. Vous voyez? Ça, c'est tout à fait tangibilisation. La garantie, c'est un extrêmement bon moyen. OK? Et puis la dernière chose, c'est le service qui est associé autour, la qualité du service. C'est aussi une des manières de se rendre leader en la chose, Par exemple, une boîte comme Vandenborg utilise le fameux contrat de confiance. Contrat de confiance, ben voilà, ça veut dire c'est une boîte avec laquelle c'est le leader en confiance. Avec eux, on peut dormir sur les oreilles, des produits qu'ils vendent seront bons, on aura de bons vendeurs qui nous auront bien conseillé, et la garantie est mentionnée dedans aussi. Le contrat de confiance, c'est du service associé. Donc voici, ça c'est les 8 P plus S qu'au fur et à mesure on a développé dans la pensée marketing. Aujourd'hui, on se dit que même ça c'est un peu doux. Même ça, c'est devenu un petit peu suranné. Même ça, c'est devenu un petit peu... c'est des armes du 20e siècle, quoi. Aujourd'hui, on pense un peu comme ceci. Et on est revenu à 4 cases dans le marketing mix. Pour resimplifier les choses, ça, c'est le modèle C. Alors, c'est tiré d'un article qui est sorti dans la Harvard Business Review il y a un an et demi. Et qui commence à se développer. Juste pour vous mettre à jour, mais vous allez comprendre qu'on est toujours sur les mêmes schémas de raisonnement. Au lieu de produits, on va parler de solutions. Parce qu'en fait, quand vous vendez des services, déjà, il n'y a pas de produit. Vous êtes garagiste, il n'y a pas de produit. Donc, c'est pour éviter qu'on fasse référence en marketing qu'il y a de la poudre à lessiver. Quelqu'un qui fait du théâtre, ce n'est pas un produit qu'il a. C'est un service qu'il presse. D'accord ? Quelqu'un qui est consultant, il n'a pas de produit, c'est un service qu'il presse. Donc en fait, ce qu'on apporte, c'est non pas des produits, mais des solutions. Et c'est d'ailleurs une manière qui oblige à penser marketing en se préoccupant d'abord et avant tout de quels sont les problèmes du client. Pour apporter des solutions, il faut d'abord bien se pencher sur ce qui ferait plaisir au client, ce que le client attend, ce dont il a envie comme nouveauté. Ah oui, attention. Pas que ça. Parce qu'il faut voir quand même un peu plus loin et il faut voir au-delà de la pensée du client. Je vous donne un exemple. Si au 19e siècle, on avait dit aux gens, dites-moi, vous avez un problème pour traverser les États-Unis, c'est lent, hein, avec des chariots. Qu'est-ce que vous aimeriez ? On vous aurait répondu sans doute, un cheval plus rapide. Et pas un train. D'accord ? Si Steve Jobs avait été trouver les gens dans la rue de Palo Alto dans les années 70 en disant, dites, pour faire le budget du ménage, qu'est-ce qu'il vous faudrait comme outil ? On vous a répondu quoi ? Une grande feuille de papier, un boulier compteur, parce qu'il n'y avait pas encore de calcul électronique à l'époque, un boulier compteur, ou des cours de calcul, un crayon et une gomme. Pas une espèce de machine à écrire avec un écran de télé et un programme dedans qui fait tous les calculs pour moi. Jamais personne n'aurait demandé un PC. Hein. Et pourtant, aujourd'hui, regardez-vous, c'est devenu une nécessité. On ne sait plus travailler sans ça. Donc, en fait, apporter des solutions à des problèmes, à des douleurs, à des, ce qu'on appelle des pains, P-A-I-N-S, hein, des pains, des douleurs, des emmerdes, des chiries, des soucis, comme on dit souvent aujourd'hui, pour éviter de mon problème. Donc, quels sont les pains du client ? Et alors, je pourrais leur proposer des solutions. Par exemple, Kastner & Bogen s'est dit, qu'est-ce qui ennuie le client quand il veut aller au théâtre? Trouver une baby-sitter. Qu'est-ce qu'on bouffe ce soir-là? Et comment est-ce que je pars ma voiture? Il a trouvé des solutions à ces trois problèmes-là et il a conquis une clientèle immédiate. Quand il l'a fait, c'était le seul théâtre bruxellois non subventionné. Pas un bas de subvention, c'est le seul profitable. Parce qu'il a conquis une clientèle en apportant des solutions. Donc solution plutôt que produit. Au lieu de place, est-ce qu'il faut avoir une place, est-ce qu'il faut avoir un magasin? Mais plus aujourd'hui, puisqu'il y a l'e-commerce. On peut très bien acheter sa nouvelle paire de chaussures sur Zalando. C'est chouette, on ne doit même plus se déplacer en ville. L'accès aux produits est super simplifié. On n'a même plus besoin de trouver une fausse excuse face à la vendeuse avec laquelle on vient d'essayer 6 paires pour lui dire « je vais réfléchir ». On se fait envoyer 6 paires et on en remballe 5. Gratis Venix Prodeo, sans devoir inventer une fausse excuse. Access plutôt que place. Et ça, ça contient tout le processus, toute la procédure d'accès, comme on a décrit tout à l'heure. Education plutôt que promotion. Education parce que on peut utiliser des moyens de communication qui sont autres que la pub et la promotion. Pub et promotion, ça fait beaucoup trop penser à une pub à la télé avec un folder, avec une réduction de prix. Mais aujourd'hui, on peut convaincre les gens d'utiliser nos produits simplement parce que je vous en ai parlé à vous, je vous en ai offert un gratuit, et du coup, vous avez foutu ça sur tous vos amis sur Facebook. Vous devriez essayer. Rien que cette recommandation-là, ça vaut autant qu'une pub. Et donc, j'éduque. De nouveau, c'est un peu un mot à 57, hein, mais j'éduque le marché par rapport à mon positionnement. Je lui apprends pourquoi je suis le leader en. Et donc, ça va élargir considérablement nos médias possibles. Et alors, dernier point, au lieu de prix, eh bien, on va plutôt parler de valeur. Alors, vous reconnaîtrez que c'est quelque chose que je vous dis déjà souvent depuis qu'on se voit. Arrêtez de diminuer vos prix. Hein. Essayez plutôt d'augmenter la valeur perçue de ce que vous faites. Quand vous allez trouver un employeur, quand vous sortirez, j'espère, est-ce que vous allez dire engagez-moi, vous savez, je suis bon, je suis surtout moins cher. Hein. Vous avez envie de faire ça? Ben, moi je ne vous le conseille pas. Je préférais que vous disiez, je suis le meilleur. Je suis le meilleur parce que je suis le meilleur sur ce plan-là. Et j'ai vraiment envie de travailler avec vous parce que moi, ça c'est mon trip ce que vous faites. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est mon trip. Donc, vous apportez de la valeur. Et donc, travaillez beaucoup plus la valeur plutôt que le prix. Et donc, aujourd'hui, on est dans un schéma de pensée marketing qui va plutôt dans ce sens-là. Des solutions plutôt que des produits. De l'éducation plutôt que de la promotion ou de la pub. De l'access, c'est-à-dire en développant tous les accès possibles à l'information et aux produits, plutôt qu'en ayant un endroit où on peut le trouver. Et in fine, plutôt que prix, parler de valeur. Ça, c'est le schéma le plus moderne de marketing. Et Vous connaissez des boîtes qui utilisent ça? Quand je vous vois d'ici, je dis que oui, manifestement. Je vois des pommes. À peu près partout. Il y en a parfois qui les cachent, mais je vois surtout des pommes. Et pourtant, ça coûte foutrement cher, ça, non? Non? Voilà où on en est dans la safe strategy. Alors ceci, j'ai tiré directement de l'article de Harvard Business School, c'est pour ça qu'il est en anglais. On parlait de valeur. La valeur perçue par le client, ben c'est en fait, de nouveau, il compare la valeur que vous apportez et ce que ça lui coûte. Je vous ai déjà montré une équation dans ce genre-là au début, vous vous souvenez ? Je compare la qualité perçue par rapport à ce que je m'attendais. Et je compare au sacrifice que je dois consentir. Vous vous souvenez? On est dans la même formulation. Et la valeur, elle est déterminée par quoi? Certes, la valeur du produit. Le produit doit être bon quand même. Hein? Mais le service qu'il y a autour est aussi important. Raison pour laquelle, quand vous achetez ce bidule dans la maison à la petite pomme, eh bien, vous avez un genius qui vous accompagne dans la vente. Et je me souviens que le jour où le magasin s'est ouvert à Bruxelles, je suis allé le visiter à titre de documentation professionnelle, et je suis tombé sur une table où il y avait un type qui était en train d'expliquer aux gens tout ce qu'on pouvait faire avec un iPhone. Il se fait que j'en avais un depuis un an dans ma poche. Et en 3 minutes, j'ai appris 200 choses que je ne savais pas sur le bidule qui était déjà dans ma poche depuis un an. Ça, c'est service value. Personal value, ben, le genius. Et vous savez d'où il sortait, le genius en question? Eh bien, l'année précédente, il était à votre place. C'était un élève de commu qui venait de sortir et qui avait été engagé par cette boîte-là. Il avait été se vendre auprès de cette boîte-là en disant « Moi, je suis un Apple freak ». Et on a dit, ah, et en plus, vous avez fait des études de communication. Très bien, vous allez devenir genius dans notre premier magasin à Bruxelles. Personal value. Et image value, j'ai pas besoin de vous dire qu'ils travaillent beaucoup là-dessus. Hein. Au niveau cost pour le client, au niveau coût, sacrifice, il y a le coût monétaire, c'est vrai que c'est cher. Il y a le coût en temps. Est-ce que je dois gaspiller du temps? Ben, vous savez comme moi que c'est peut-être plus simple à travailler et que donc ça, on apprend vite, ok? Donc j'y gagne peut-être. En énergie, oui peut-être. Mais le coût psychologique de l'achat est terriblement réduit par toute la valeur qu'ils m'ont mis en tête. Et donc j'arrive à réduire l'aspect perception de coût dans ma tête. C'est le fameux sacrifice dont je vous parlais tout à l'heure, dont je vous parlais d'ailleurs dans le premier cours, dans l'équation. Je peux réduire la perception du coût ou augmenter la valeur. Je peux travailler sur ces 8 cases pour que la valeur perçue par le client soit plus élevée. Vous voyez que ce n'est pas indispensable chaque fois de baisser son prix. Il y a au moins 7 autres armes sur lesquelles on peut travailler. Eh bien, on va voir progressivement. On va quand même travailler sur les UP parce que ça permet d'être assez systématique et de voir tout ce qu'on peut faire en matière de marketing mix. Mais aujourd'hui, on est encore plus simple que ça. Okay. Alors, on pourrait se différencier par le produit. Je vais vous donner quelques exemples de différenciation par le produit. On rajoute une fonctionnalité au produit. C'est du head and shoulders. C'est à la fois du shampoing et de l'antipelliculaire. C'est donc mieux que rien que du shampoing. Et donc, j'ajoute une fonctionnalité, deux en un, c'est super sympa. Les bagnoles font ça depuis des années. Hein. On vous rajoute l'ABS. Et puis on vous rajoute l'ERCO. Et puis on vous rajoute le GPS. Et puis on vous rajoute l'airbag. Ah ouais, mais un airbag, tu rigoles, deux airbags. Non, quatre, non, huit, non, 16 airbags. Des fonctionnalités supplémentaires. Voilà des manières dont on peut se différencier par le produit. On peut se différencier par les performances du produit. Quand on vendait encore des appareils photo, c'était le nombre de millions de pixels. Aujourd'hui, comme on a un smartphone, ça ne peut même plus rien dire. De toute façon, même si on augmente le nombre de pixels par rapport à ce qu'il y a dans le précédent, votre œil ne le perçoit plus de toute façon, cette augmentation de qualité. Donc ça ne sert même à rien d'avoir 7 milliards de pixels plutôt que 7 millions de pixels. On est au-delà de la détectabilité par l'œil. Ah, conformité. Voilà une autre manière de se différencier. Ce produit est certifié ISO. Ce produit est en dessous de la norme d'émission de CO2. Ce produit est certifié 4 étoiles au crash test. Ce produit répond à la norme 14001 écologie. C'est-à-dire, il ne pollue pas la couche. Cette voiture ne consomme que 4 litres au 100. Ou cette voiture passe de 0 à 100 en 2 secondes et demie. La durabilité. La peinture de Jones Blair, elle dure plus longtemps. Un lave-vaisselle 1000, vous l'avez pour 15 ans, alors que tous les autres pètent au bout de 10. La fiabilité. Garantie. Zéro panne. Zéro défaut. Les Japonais ont été très très forts pendant des années. Comme le produit voiture, par exemple, était fort dénigré par les Américains. Ils ont mis un effort extraordinaire sur la qualité de production. C'est vrai qu'au départ, les voitures japonaises n'étaient franchement pas terribles. Et progressivement, c'est devenu les voitures les plus fiables du monde. Une Toyota, c'est beaucoup plus fiable qu'une General Motors. Ils sont arrivés à faire zéro défaut. Ce qui a ennuyé encore plus les Américains, évidemment. La réparabilité. Le fait d'avoir une hotline, un help desk, c'est une des grosses armes de marketing de Caterpillar, par exemple. Vous utilisez un excavateur quelque part au milieu du désert de Gobi. Dans les 48 heures, vous avez votre pièce de rechange si ça pète. C'est garanti. Quitte à vous l'amener par hélicoptère s'il faut. Le style. Pourquoi est-ce qu'on achète une chaîne Bose ou une chaîne Bang & Olufsen? Parce que c'est un design super sympa. Pourquoi est-ce qu'on achète une bague Cartier? Parce qu'on voit que c'est une Cartier, ça a un look, ok? Pourquoi est-ce qu'on achète une voiture Jaguar? Parce que ça a un style. Pourquoi est-ce qu'on achète une Ferrari? Attendez, on achète une Ferrari bleue? Non, elle doit être quoi, la Ferrari? Rouge. Rouge. Ferrari bleu, ça peut rien dire. Mais Ferrari, c'est rossa, non? Con il cavallino rampante. Le design, c'est une des choses qui a fait la valeur perçue des petites pommes que vous avez sur vos bureaux. Ils ont beaucoup travaillé la simplification du design de tout ce qu'ils font. Et quand les autres vendaient encore des ordinateurs pour la maison, des tours qui pesaient un poids fou, qui faisaient zzzz, eux, ils ont vendu un machin qui était une petite boîte à cigares, toute blanche. Complètement différent par le design. Okay? Et puis tout ce qui est offre service. Et là, bien sûr, c'est votre créativité qui va jouer. Kastner-Lundbogen, il vous fournit un voiturier à l'entrée et une garderie pour les enfants, ou des devis gratuits, ou la reprise des anciens produits. D'accord, je vous ai vendu une machine à laver, mais qu'est-ce que vous allez faire avec la précédente? Vous savez ce que ça pèse, une machine à laver? Pour la descente des escaliers, on vous la reprend, évidemment. Hein? Du prêt gratuit de matériel, etc., etc. Donc, il y a mille et une manières de différencier par le produit. À vous de trouver laquelle va constituer un gain essentiel, une solution formidable pour le client. Alors voici une illustration de ce qu'on appelle the value curve. Je vous ai déjà parlé de la société Accor, qui a toute une série d'hôtels, d'accord? Et ils se sont penchés sur les besoins de chacune des cibles. Vous vous rappelez qu'il y avait un hôtel Accor pour chaque type de mission de logement, chaque segment. Ils se sont penchés sur le segment qui serait susceptible d'utiliser un hôtel Formule 1. Typiquement, ça va être voyage de commerce, voyageurs de commerce qui se déplacent de ville en ville tous les jours. De quoi est-ce qu'il a besoin? D'un décor fabuleux? De quoi? D'un bon lit, parce qu'il faut qu'il puisse bien dormir, ok? De quoi est-ce qu'il a aussi besoin? Du caractère historique du bâtiment? De la localisation du bâtiment en plein centre? Ben non, plutôt près des entreprises qu'il doit visiter, comme ça il ne perd pas de temps. Est-ce qu'il a besoin de gens qui viennent ouvrir ses draps le soir en mettant un petit morceau de chocolat et en disant « J'ai vérifié la qualité de votre lit, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas. » Il a besoin de ça? Le voyageur de commerce qui est dans un hôtel différent tous les jours? Eh bien, ils se sont donc penchés. Quelles sont les caractéristiques qu'un type client comme ça, auquel il va accorder de l'importance? Est-ce qu'il a besoin de eating facilities? Est-ce qu'il a besoin de pouvoir manger sur place? La plupart du temps, non. Il va manger plutôt au resto. Il n'a pas besoin de manger dans l'hôtel. Donc déjà, on n'en a pas besoin de lui propre. Est-ce qu'il faut des caractéristiques architecturales de l'authenticité? Non, on s'en fout. Est-ce qu'il faut des lounges, c'est-à-dire un salon où on peut parler avec des gens, où on peut lire avec un bar? Il a besoin de tout ça? Sûrement pas. Est-ce qu'il a besoin d'une très grande chambre? Non. Donc tout ça, regardez la ligne rouge, hein? La ligne rouge, eh bien, ça c'est la proposition produit qu'on va faire pour Formule 1. Tandis que la première ligne noire, c'est la proposition moyenne des hôtels 1 étoile. Et la deuxième ligne noire, c'est la proposition moyenne d'un hôtel 2 étoiles. Sur toutes ces caractéristiques-là, le Formule 1, c'est largement en dessous. Mais il n'en a pas besoin. Est-ce qu'il faut un réceptionniste? Il rencontrerait des réceptionnistes tous les soirs? Non, rien, si. Cyril, la réceptionniste, après une journée de boulot dans son métier, vite au plumard, éventuellement la télé, mais c'est tout, quoi. J'ai pas besoin de discuter, c'est tous les jours la même chose, pour m'entendre dire, et je vous souhaite une excellente nuit parmi nous, et nous espérons que vous reviendrez. Est-ce qu'il a besoin de beaux meubles dans la chambre? Non, il a, sa valise est toute prête et elle est faite en 2 secondes et demie. Hein? Est-ce qu'il a besoin d'un lit de qualité? Ah ouais, ça, là, ça c'est important. Est-ce qu'il a besoin que la chambre soit propre? Ah ouais, ça, parce que c'est déjà chiant de changer de chambre tous les jours, que si en plus je dois courir derrière les cafards, ça va pas. Est-ce qu'il faut que la chambre soit calme? Ah oui, parce que j'ai besoin surtout de bien dormir et de reprendre mes forces. Est-ce qu'il faut que le prix soit élevé? Ah non, parce que le budget, il est limité. Donc là, eh bien, suivez la ligne rouge, j'ai accordé de l'importance à la qualité du lit, l'hygiène et le calme, et tout le reste est au niveau le plus bas. Ça me permet de faire un produit, une solution particulièrement adaptée pour le représentant de commerce, à un coût tout à fait abordable, puisque je n'ai rien consacré à de l'inutile. En fait, je travaille ici low cost. Ça me coûte moins parce que je n'ai pas de restaurant, je n'ai pas de réceptionniste, je n'ai pas de décor, je n'ai pas de meubles et je n'ai pas d'architecture à payer. Donc je peux me permettre de donner beaucoup de confort de sommeil et de faire un climat. Voilà ce qu'on appelle un travail sur la value curve. Je donne de la valeur là où il le faut et j'apporte une réelle solution avec un effort prix qui est limité. C'est tout à fait une illustration de ce dont on vient de parler. Alors, des produits, ça se manage. Ça se manage. Et on va parler de quatre illustrations de management de produits. On va parler de produits total, on va parler de life cycle, la vie, le cycle de vie d'un produit. On va parler de gestion de gamme de produits et on va parler de portefeuille de produits. Alors, c'est un prof de la Northwestern University qui s'appelle Theodore Levitt. Ça se prononce Levitt en fait. Qui s'est dit dans les marchés mûrs, et nous sommes dans un marché mûr, ça devient de plus en plus difficile de se différencier par le produit lui-même. Parce qu'il y a tellement d'offres possibles, tellement de produits existants, que trouver encore une fonctionnalité nouvelle, ça devient difficile. Alors on a essayé de se différencier par le prix, mais alors là, on ne fait plus de bénéfices. Et donc ça devient non rentable. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se différencier? Et lui, il a dit, mais pensez à toutes les autres dimensions que produit et prix. Au niveau du service, on peut faire énormément de choses. On peut apporter des petits plus de services ajoutés à peu près partout. Et se différencier comme ça. Et donc, par exemple, vous pouvez avoir un service de distribution d'électricité. Vous n'y faites même pas attention, puisqu'en fait, vous l'utilisez et vous n'en rendez même pas compte. Et donc, comment se différencier en distribution d'électricité? Bien, il y en a qui ont reconquis le marché en disant, nous, on va vous distribuer de l'électricité, mais uniquement de l'électricité qui a été produite avec des éoliennes et des formes de production renouvelable d'énergie. On vous apporte un petit plus, c'est de l'électricité verte. Elle n'est pas verte, l'électricité, hein, puisqu'on ne la voit pas. Mais, voilà, ils ont apporté un petit plus. ça se passe au niveau de l'achat. De nouveau, quelque chose qui est totalement invisible, l'achat. Mais donc, on va tâcher de vous expliquer comment on n'achète que de l'électricité produite de manière durable ou renouvelable. Alors, il y en a un autre qui a dit, mais le moment le plus désagréable pour le client, c'est comme on disait tout à l'heure, par rapport au service électricité, quelle est la seule chose tangible par rapport à l'électricité ? La facture. La facture. Le jour où la facture arrive, et des gens comme Electrabel faisaient des factures qui disaient des choses dans le genre « Payez autant, si vous ne payez pas dans les 10 jours, vous vous exposez à des poursuites. » Ça, voilà, voilà une tangibilisation du service qui est particulièrement positive, n'est-il pas ? Ça rend les travailleurs super sympas. On a envie de travailler avec eux. Résultat, dès qu'il y a Luminus ou l'Empiris ou un autre qui se propose, hop, je les quitte parce qu'ils me font chier. Alors que c'est tellement simple de dire sur la facture, merci de nous avoir fait confiance. Ça coûte pas un bal. Mais c'est quand même un peu plus sympa comme stimulus que payer dans les 10 jours, sinon vous vous explosez avec poursuite. Mais alors, on a plein de facteurs, mais on peut aussi proposer avant les prix week-end, les soirées. Vous voulez de nouveau baisser vos prix ? Non, c'est j'ai une intrigue. Mais par exemple, si on utilise la machine à laver, par exemple, oui. Le week-end oui. ou la nuit. Oui. On paye moins que dans les autres périodes de donc vous baissez vos prix, c'est bien ce que je dis. Mais c'est un service qui a du succès et ça dure depuis des années. Tout à fait, tout à fait. Qui rend l'effort plus grand pour la personne. Hein. Il y en a d'ailleurs qui misent leur pub sur ce facteur-là. Hein. Chou, attends, ça va être l'heure. Prépare-toi, tu es prêt ? 3, 2, 1, il est 10 heures, on peut aspirer. Il y en a qui jouent sur cette pub-là en disant. Ne vous mettez plus toutes ces pains, nous c'est au même prix toute la journée. Comprenez ? Et donc, on peut toujours faire mieux. La solution que vous préconisez est quand même une solution de baisse marge. Moi je préfère quand l'Empiris me dit, vous savez, ça c'est de l'énergie verte, ça coûte un peu plus cher, c'est de l'énergie verte. Mais si je suis vraiment convaincu que je ne veux que de l'énergie verte, je suis prêt à payer la différence. C'est plus rentable. Donc je suis d'accord, c'est une manière de se différencier. Mais de grâce, tâchez de penser, vous qui êtes des gens intelligents, éduqués, et qui avez déjà été confrontés à plein de belles expériences, utilisez votre cerveau au bon sens pour être un peu créatif. Pour ne pas systématiquement baisser votre culotte. Hein ? Et donc, lui prône le service ajouté en plus. Par exemple, j'ai vu ça appliqué dans une clinique spécialisée dans le. C'est un hôpital pédiatrique. De gérontologie. Donc spécialisé dans le traitement des personnes âgées. Ça se passe en France. Et on se rend compte qu'un des problèmes avec les personnes âgées, c'est le fait d'être déconnectés de leur univers quand ils sont à l'hôpital. Ça les rend très mal à l'aise. Ça provoque des angoisses, ça provoque des stress, ça provoque de la tension et ça les rend encore plus malades qu'ils ne sont en arrivant. Et donc, ils ont décidé que dans cet hôpital gériatrique, c'est ça que je voulais dire, gériatrique, eh bien, on avait intérêt à recréer l'atmosphère de confort dans laquelle vivent les personnes âgées. La France est un pays essentiellement rural, hein, et donc on a recréé non pas une zone des pas perdus, mais la place du village. Non pas une boutique qui vend des journaux, mais le bar-tabac du quartier. On a planté des arbres, on a mis des bancs, on a non pas une cafétéria, mais on a un bar-brasserie. On a une église, on a une piste de pétanque. Bref, on reconstitue le cadre. Si vous allez voir d'ailleurs l'hôpital des enfants, je vous conseille d'aller visiter ça un jour. Je vous conseille. J'espère que ce sera pas parce que votre enfant est malade, hein, entendons-nous, mais l'hôpital des enfants. Il est pensé enfant. Et donc, par exemple, tout se trouve à hauteur d'enfant. Le sol est prévu pour enfant, c'est-à-dire que si on tombe, il est mou. On se fait pas mal. Toutes les indications pour les... Il n'y a pas marqué oncologie. Hein? Il y a marqué, je ne sais pas, il y a quelque chose avec un papillon... et c'est de couleur bleu pâle. Il y a des petits dessins d'enfants partout. Et donc, on a recréé, il y a une école sur place où un enfant qui est hospitalisé pendant longtemps peut rattraper les cours qu'il a perdus. Il y a des jeux d'enfants, etc., etc. Tout est pensé enfant. Ça, c'est du service ajouté. Okay, qui distingue grandement le produit par rapport aux autres produits hôpitaux. Et alors, au départ, l'idée du produit total vient de ceci. Au départ, qu'est-ce qu'il fallait? Ben, quand vous êtes en période de paix, prenons l'Afrique, les soins de santé en sont encore à l'âge du début. Okay. Et donc, je ne sais pas, au milieu du Mali, on a besoin du produit de base. On a besoin de pouvoir soigner une blessure, ou réduire une fracture, ou voir ce qui se passe si un enfant souffre de la fièvre. On a besoin du produit de base santé, c'est un dispensaire auquel on peut aller. Je n'ai pas besoin d'avoir la télé dans le dispensaire. Mais en Belgique, si vous aviez juste un endroit situé quelque part à 50 km de chez vous où on fait juste le diagnostic, ce serait un peu juste, non? Aujourd'hui, le produit attendu, il est beaucoup plus que ça chez vous. Si on a un problème avec son gosse, qui a de la fièvre, qui dépasse les 39, on veut pouvoir l'amener quelque part, on veut qu'il soit pris en charge tout de suite par un médecin, un médecin, hein, pas un infirmier, hein, pas un aide-soignant, hein, un médecin, qui tout de suite va poser un diagnostic, qui tout de suite va le mettre dans une chambre, dans un lit où il est seul dans son lit, peut-être à deux dans la chambre, mais seul dans son lit. Parce que vous savez qu'au Vietnam, les enfants sont à deux ou trois dans le lit. Hein. Ah, on n'est pas dans le même genre de situation. Hein. On vit dans un pays super sympa. Hein. Le produit attendu aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Et puis, comme votre enfant va devoir y rester, vous voudriez probablement aussi qu'il puisse ne pas penser à sa maladie tout le temps. Ça veut dire quoi? Vous attendez à quoi? Pardon? Du divertissement, quel genre? Il faut qu'il y ait la télé dans sa chambre, non? Au moins. Et puis alors attention, vous vous attendez aussi à ne pas pouvoir lui amener ses tartines, non? On s'attend aussi à ce qu'il y ait à manger pour notre enfant. Ce n'est pas le cas au Vietnam, hein? C'est la famille qui doit amener à bouffer. Hein? Donc là, on est dans le produit générique au Vietnam. Chez nous, on attend beaucoup plus que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en plus on peut faire du produit augmenté et se différencier de cette manière-là, apporter des petits plus. Par exemple, il y a un clown qui passe l'après-midi et qui distrait mon gosse de sa maladie. Par exemple, il y a des jeux d'enfants qui sont là à disposition. Par exemple, il y a effectivement un professeur qui va venir voir, tu es dans quelle classe, ah, qu'est-ce que tu voyais pour le moment, ah, est-ce que tu veux qu'on répète ta leçon et il va venir lui faire répéter. Ah, on pourrait aussi rajouter quoi? Allez, sois un peu créatif. Je veux dire, je n'avais peut-être pas encore d'enfant, mais... Un cinéma, oui, absolument. Absolument. Oui. Quoi d'autre? Oui. Une salle de sport. Oui, absolument. Oh, ça va. C'est pas pour faire de la gonflette, hein. Mais des ballons, absolument. Des raquettes. Oui, tout à fait. Quoi d'autre? Exactement. Maman, elle est tellement anxieuse que... Des chambres pour les parents? Oui. Pour les longues durées, mais sinon, un lit dans la chambre de mon gosse, hein? Eh bien, à l'hôpital des enfants, il y a toujours un lit pour la maman ou le papa dans la chambre du gosse. Et il y a aussi un hôtel. Si vous venez de loin, il y a aussi des moments où vous pouvez... d'être avec soi-même, parce que le gosse est en train de se faire opérer. Hein, je ne peux de toute façon pas y accéder. Donc il y a aussi un hôtel. Donc tout ça, c'est des petits plus qu'on peut rajouter qui font le produit augmenter. Alors, avec quand même un problème. C'est que dès que vous avez pensé à un petit plus, ben, le lendemain, votre concurrent fait la même chose. Hein. Il vous pique l'idée. Et il la met en œuvre aussi. Et donc, c'est un processus un peu inflatoire. Ça, c'est clair. Il faut, parce que le premier qui a mis une télé dans une chambre d'hôpital, c'était un petit plus à ce moment-là. Aujourd'hui, ce petit plus-là, il fait partie du produit attendu. Hein. Il a été englobé dans le produit attendu. Donc, il n'est plus différenciateur. Donc, il faut inventer de nouvelles choses. Et donc, il faut mettre en permanence sa créativité au service de la création de nouveaux petits plus. OK ? Ce qui veut dire que le produit potentiel, c'est le produit total. C'est quand tout le monde pense tout le temps à faire encore mieux pour le client. Ça nécessite une forme de management qui est très orientée sur ces valeurs-là. OK, des questions par rapport au produit total? Ça peut, les petits plus peuvent être ajoutés ben, au niveau du packaging. Packaging comment, par exemple? Pensez à ketchup. Vous vous rappelez de la bouteille de ketchup? Ben, il y a plus simple aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, la bouteille n'est plus en verre, elle est en plastique, on la tourne et on fait... Et ça sort. C'est plus facile. Avant, il fallait verre. Vous n'avez peut-être pas connu ça d'ailleurs. Si ? Et puis quand ça vient trop. Vous achetez une cuisine ? On vous la livre et elle est dans les cartons. Ou bien on vous l'installe. Hein? Vous vous branchez sur Proximus Télé. Les connexions, vous allez vous en occuper? Non, c'est le technicien qui s'en occupe. Hein? La garantie peut apporter différenciation. Les modes d'emploi, oh là là, le nombre d'appareils ou le mode d'emploi est complètement illisible parce qu'il a été traduit en flamand à partir du japonais et puis du flamand en français. Ce qui fait que ça ne veut plus rien dire du tout. Oui. regarder les modes d'emploi IKEA. Ben, un bon mode d'emploi, ça peut faire toute la différence. Des formations. Ah, j'ai eu comme ça un client, il vendait des transpalettes. Vous voyez ce que c'est qu'un transpalette ? C'est un outil qu'on utilise dans les entrepôts. C'est un chariot élévateur automobile, d'accord ? Qui fonctionne généralement soit à l'électricité, soit au gaz, et qui permet de trimballer des poids très lourds qui sont sur palette d'un endroit à un autre dans l'entrepôt ou dans un camion. Donc, ça se conduit comme une voiture et il y a une fourchette élévatrice devant. Ok ? C'est un engin de mort. Il y a énormément d'accidents chaque année à cause de ce genre de truc. Ça pèse des tonnes. Et l'ouvrier qui n'a pas mis ses chaussures de sécurité qui passe à ce moment-là, il se fait raccourcir les pieds. Hein ? C'est extrêmement fréquent. Et en plus, c'est un produit de base de l'industrie. Tout le monde en fait. Depuis que les Japonais s'y sont mis, c'est un produit qui est à très bas prix et qualité constante. Ça devient très difficile de se différencier avec un produit comme ça. Et j'avais un client qui en vendait, justement, des produits japonais. Alors, déjà, le produit japonais n'avait pas très bonne réputation faussement, parce qu'ils font de la qualité, mais c'était quand même fabriqué que par des phases de prune. Hein. Donc, on avait encore ces idées-là en tête. Et donc, sa manière de se différencier, ça a été, ça sert à rien que je dise que mon produit est meilleur, ils ne vont pas le croire. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire, chaque fois que je vends un transpalette, je vais donner une formation à vos conducteurs pour la sécurité dans vos usines. De façon à ce que vous ayez zéro accident avec ça. Et donc, formation à la conduite d'élévateur sécure. C'est un avantage incommensurable pour une entreprise de ne pas avoir d'accident de travail. Ça coûte extrêmement cher et c'est très désagréable tant pour le personnel accidenté que pour l'entreprise, sa réputation, le climat social, etc. Et donc, si on peut éviter des accidents, c'est un avantage formidable. Ça crée une réelle solution. Et ça n'a rien à voir avec la qualité du produit. C'est un truc à côté. On peut beaucoup se différencier avec des trucs à côté. Bien, ben je vous propose de faire un quart d'heure de pause. Comme proposition marketing, on a dit qu'on devait se différencier par le produit. On vient de voir une série de manières de se différencier par le produit. Mais est-ce que ça va durer tout ça ? En fait, les produits, les services, ont des cycles de vie. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un téléfax ? Manifestement, non. Eh bien, le téléfax, c'était le produit électronique le plus vendu dans les années 90. C'était quoi ? C'était une machine qui permettait, en se reliant à une ligne téléphonique, de transmettre des images. Waouh ! Ça, c'était génial, parce qu'au lieu de s'écrire des lettres, au lieu de s'envoyer des textes, on pouvait dès lors imprimer son texte et l'envoyer tout de suite via une ligne téléphonique aux États-Unis. Ça, c'était génial. Sans utiliser le système de Telex qui devait faire qu'il fallait aller à la poste pour pouvoir en utiliser un, c'était en fait le produit moderne un produit que vous ne connaissez certainement pas qui s'appelle le bélinographe. Le bélinographe était utilisé dans les années 50, 60, 70 par exemple tous les journalistes qui couvrent le Tour de France. Voici la photo d'Eddy Merckx à l'arrivée de l'étape de montagne. On transmettait une photo vers les journaux de Bruxelles par ligne téléphonique. Je vous dis pas, ça mettait des heures à reconstruire ligne par ligne la photo avec un bélinographe. C'était que le fax rendait la chose beaucoup plus simple. Mais aujourd'hui, comme on peut envoyer des Snapchats immédiatement au bout du monde, le fax est un produit que vous ne connaissez même plus. Ça a duré de vie 20 ans. Aujourd'hui, ça va encore de plus en plus vite. Qui voudrait d'un Apple iPhone 3? Surtout que vous venez d'entendre que le 4 déjà n'aura plus de pièces détachées dans peu de temps et qu'il est temps d'acheter un 7 ou un 8. Donc, la durée de vie des produits a tendance à se faire très très très fort à notre ère. Vous avez encore un fax? Vous êtes peut-être le seul qui est que ça. Non. Du produit. Non. Mais il y a certains clients qui travaillent encore avec ça. Les administrations notamment travaillent encore avec ça. Mais aujourd'hui, si vraiment je dois envoyer un papier avec ma signature dessus, je scanne. Oui, mais il y a certaines administrations qui voient aussi la rapidité du fax, c'est-à-dire au lieu de scanner et puis d'envoyer par email, on met directement dans le fax. Voilà, exactement. Donc, ça, c'était un appareil terriblement pratique, mais c'est complètement dépassé aujourd'hui. Quoi. Ça n'a plus de valeur marchande. Alors, expliquons un peu comment ça se passe. Ben, au début du cycle de vie d'un produit, donc on a en abscisse le temps et en ordonnée ce que ça rapporte, ou le coût que ça coûte. Au début, vous allez en vendre pas beaucoup, ça va être très lent un nouveau produit. Surtout en Belgique, parce que le Belgique, je vous l'ai déjà dit, n'est pas le Belge n'est pas un early adopter. C'est pas lui qui va se jeter tout de suite sur une innovation. Donc, au début, ça va venir lentement, votre nouveau produit. Vous allez vendre lentement. Pendant ce temps-là, vous avez déjà eu beaucoup de coûts pour développer le produit, des coûts de recherche et développement. Et puis, vous allez aussi gaspiller de l'argent en faisant de la communication marketing pour faire connaître votre produit. Vous allez engager des vendeurs pour essayer de vendre. Tout ça vous coûte de l'argent à un point tel que votre profit est négatif. Parce que vous ne vendez pas assez pour couvrir les coûts. Et puis il y a une phase, on l'espère en tout cas, si le produit réussit son coût, eh bien une phase de croissance. Une phase pendant laquelle vous vendez chaque jour de plus en plus et ça s'accélère. C'est une courbe qu'on appelle exponentielle. Sauf que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Et l'exponentielle réelle dans la vie de tous les jours n'existe quasi pas. À part, c'est la loi de Moore, la rapidité des ordinateurs. La capacité mémoire des ordinateurs et leur rapidité d'action. Ça fait que c'est une courbe exponentielle. Pour le moment, on n'en voit pas la limite. On n'en voit pas l'asymptote, comme on dit en mathématiques. Okay? Mais en matière de produits, il y a toujours un moment avec ce qu'on appelle un point d'inflexion. C'est-à-dire que tout à coup, on en vend plus, mais l'accélération devient moindre. L'accélération des ventes diminue. Et donc, on a une courbe qui commence à plafonner. Le produit arrive à maturité. Et puis après, le produit a des ventes qui commencent à décroître et le produit, là, est en phase de déclin. Le profit, je vous ai dit qu'il était négatif au départ parce qu'il nous a coûté beaucoup ce produit à développer et à lancer. Puis les profits vont commencer à augmenter. Mais quand on arrive en phase de maturité, ils n'augmentent plus beaucoup. Pourquoi, à votre avis? Les Pourquoi est-ce que les profits n'augmentent plus quand on est en maturité? La valeur du produit. Pardon? La valeur marchande du produit. Vous dites ça d'une belle manière. Parce que les gens baissent leurs prix. Parce qu'il y a de la concurrence et qu'on commence à baisser ses prix et que donc effectivement le prix de vente diminue et donc le bénéfice qu'on fait sur chaque vente diminue. Et donc moi je vous conseille de garder le plus longtemps possible des belles marges de façon à garder le plus longtemps possible. Mais il y a un moment où vous êtes bien obligé, sinon vous n'avez pas la valeur marchande de votre produit n'est plus très grande. Et un fax aujourd'hui, vous n'allez même pas pouvoir le vendre pour un euro, hein. Sauf si vous tombez sur un collectionneur. Il y a une valeur sentimentale. Il y en a, hein. Il y en a. Et donc, effectivement, votre prix diminue, donc les profits diminuent, pour finir par devenir zéro également. Et le cycle, en fait, de nos jours, est de plus en plus court. Il y a des produits dont la durée de vie est 3-4 ans, pas plus. On a le smartphone, un smartphone qui a 4 ans, même un gosse de 5 ans n'en veut plus. Et en fait, tout au long de l'évolution du produit, la démarche marketing va changer. Parce que si votre produit est tout au début et qu'on ne le connaît pas, ben, votre objectif, c'est faire connaître votre produit. Et pour ça, vous allez utiliser certaines techniques de marketing. Si votre produit est à maturité et que donc il y a des tas d'autres producteurs qui fournissent la même chose que vous, ben, votre objectif, c'est pas de vous faire connaître, c'est de vendre plus que les autres. Donc, ça va utiliser des techniques de marketing différentes. Okay? Et donc, on va devoir changer les démarches marketing au fur et à mesure de l'évolution du cycle du produit. Comme ceci, par exemple. Il y a première colonne, phase d'intro. Deuxième colonne, phase de croissance. Troisième phase de maturité et quatrième phase de déclin. Qu'est-ce qui se passe en phase d'intro? Les ventes sont relativement basses. Okay? J'espère que vous avez pensé à attaquer le marché avec un prix élevé. Ce qui est contraire de la plupart des initiatives des PME. Elles se disent, ouais, je vais entrer sur le marché avec un prix relativement bas, comme ça je fais un prix de pénétration. Mon œil, après vous n'augmentez jamais votre prix. Hein. Ne croyez pas qu'on puisse faire ça. On n'arrive jamais à augmenter son prix. Hein. Si vous habituez les premiers clients à acheter à 100, vous n'allez pas pouvoir vendre au troisième à 300. Hein. Au contraire. Donc, au départ, souvent les prix sont plus élevés. Il n'y a pas de concurrence puisque vous êtes innovant. Votre objectif, c'est acquérir de la notoriété et faire essayer. Ok ? Le produit, il est basique. J'ai déjà prévu des développements futurs avec des fonctionnalités additionnelles, mais au départ, je vends un produit basique. Le profit, il est négatif. Je vous ai dit pourquoi. Vous avez consacré beaucoup de recherche et développement, vous devez amortir. Et puis, vous devez faire connaître votre produit, ça, ça coûte de l'argent aussi. Les clients que vous allez viser, c'est ce qu'on appelle les early adopters, hein, les pionniers. Ceux qui ont vraiment toujours envie du dernier cri. Distribution, vous allez choisir une distribution sélective. Déjà, vous allez avoir du mal à trouver des gens qui acceptent de distribuer un produit qu'on ne connaît pas. Si vous allez trouver de l'aise en disant « j'ai inventé une nouvelle sauce à, je sais pas, au paprika », il va vous dire « personne ne connaît, ça se vend ce truc ?»« Ben non, je viens de l'inventer !»« Écoute, vous viendrez me trouver quand ça se vendra, hein. Sinon je ne vais pas occuper mes rayons avec ça. » Donc distribution sélective. L'objectif de votre pub ou de votre communication marketing, plutôt, ça va être acquérir de la notoriété, faire connaître votre produit. Et pour vos vendeurs, allez, essayez-le. Essayez-le, vous verrez, c'est bien. Donc, voilà comment va se décliner votre démarche marketing à ce moment-là. Puis arrive, j'espère pour vous, une phase de croissance. Votre produit se vend de plus en plus. D'accord. Donc vos ventes sont en croissance. Les prix, ben, comme il y a déjà un petit peu de concurrents, on se bat. Donc on se bat pour vendre plutôt que le concurrent, être préféré. Et donc souvent on est obligé d'abandonner une part de marge. Ou alors on est obligé d'abandonner une part de marge parce que les distributeurs le veulent bien à ce moment-là. Ok ? Votre produit à base d'insectes là, votre sauce aux insectes, tout comme fait, on en a beaucoup parlé à la télé, on le veut bien maintenant dans nos rayons, ça va nous différencier des autres quoi. On sait bien qu'on ne va pas en vendre des masses, mais ça va nous différencier des autres. Mais attendez, moi je veux 30% de marge là-dessus. Hein. Bon, ok, donc je baisse mon prix. Pour le distributeur, pour de l'aide. La concurrence est en hausse. En hausse, donc, mon objectif, c'est je veux être le vendeur de sauce à base d'insectes en Belgique. En Belgique ? Non, peut-être... en Europe. Oui, mais en Italie, il y en a déjà un qui le fait. En France, il y en a 5. En Allemagne, il y en a 12. Et au Danemark, il y en a déjà partout dans les magasins. Donc, moi, mon objectif, c'est part de marché. Ok ? Je veux avoir plus de 50% de part de marché. Et donc, je vais devoir faire de l'extension du Danemark. Je vais faire des sauces. Je vais faire des soupes à base d'insectes. Je vais faire des produits lactés à base d'insectes et je vais faire du pain à base d'insectes. J'ai toute une gamme. Oui, je ne veux pas vous faire dégueuler avant la. C'est un carrière pour le moment, c'est comme ça que je vous le dis. Les profits, ah ben, comme vous vendez de plus en plus, et les insectes ça coûte rien. Vous avez des profits croissants. Et les clients, ben, les premiers, c'était vraiment des pionniers hein, pour bouffer des asticots. Mais maintenant, c'est mode. On en parle même à la télé. Il y a des dégustations de produits à base d'insectes. Il y a des foires aux insectes. Donc, il y a toute une série de suiveurs. La distribution est en croissance. Deleuze l'a eu en exclu, Carrefour le veut. Hein. L'objectif de la pub, c'est notoriété étendue. Mais oui, c'est bon les insectes. C'est l'alimentation du futur, ce qui est vrai. On va bien s'y mettre un jour. Peut-être pas vous, mais vos enfants. Il n'y aura plus assez de vaches. Hein. Et donc l'objectif des vendeurs, c'est toujours, mais essayez-le, vous allez voir, c'est pas si dégueu que ça. Hein. D'ailleurs, comme c'est en sauce, vous ne goûtez même pas l'insecte. Hein. Allez, fermez les yeux. Dégustation à l'aveugle. C'est bon ou c'est pas bon ? Je vous donne un morceau de pain et un morceau de pain aux insectes. Vous ne goûtez pas la différence ? Oui, ça croque. Arrive le moment de la maturité du produit. Je vois possible que j'aurais dû choisir un autre exemple. Les ventes sont au maximum. Une famille sur deux se nourrit d'insectes. Une fois par jour, une fois par semaine au moins. Alors comme il y a beaucoup de producteurs, puisque c'est tellement facile à faire, les prix sont devenus très bas. Ce qui est un gros avantage, puisque ça va constituer l'alimentation du futur. Et donc, ben, comme le steak aujourd'hui est beaucoup moins cher qu'il ne l'était il y a 30 ans, eh bien, les produits à base d'insectes vont être beaucoup moins chers quand le marché sera à maturité. La concurrence sera maximale. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est préserver sa part de marché et essayer de faire encore un peu de profit là où on peut. Parce que comme les prix ont fort baissé, ça devient difficile de faire du profit. Donc peut-être qu'on va imaginer des produits à base d'insectes avec des petits plus de valeur ajoutée qui permettent de faire encore un peu de profit. Grande diversité donc de produits. Profit élevé, les clients, tout le monde. La distribution, partout. Même dans les snacks, il y aura du pain à base d'insectes. Même chez le paquis du coin, on vendra des produits à base d'insectes. Et donc, si je fais de la pub, mon objectif, ce sera qu'on me préfère par rapport aux autres. Le premier à avoir osé, par exemple. Ou bien celui qui a le meilleur goût, par exemple. Ou bien celui qui est moins cher, par exemple. Ou celui dont les insectes ne viennent que de Belgique. De moins de 50 km. Par exemple, différenciation. Et qu'on soit fidèle à la marque. Si vous voulez manger insectes, le seul vrai, c'est le meilleur, c'est moi. Je deviens le Coca-Cola de l'insecte. Et puis il y a un moment où on inventera autre chose, oui. Vous pourriez juste rappeler ce que c'est PDM, s'il vous plaît. Part de marché. Part de marché. Ah oui, ça en marketing, c'est un truc que vous allez devoir retenir. Hein. Part de marché. Ça veut dire le pourcentage que moi je vends par rapport au total de ce qui se vend sur le marché. J'aurais dû être plus clair, merci de l'avoir posé. Arrive un moment où on a inventé autre chose. Hein. C'est des pilules protéinées synthétiques. On arrive à faire de la viande de bœuf chimiquement, organiquement. C'est produit par une machine, ça ne coûte rien du tout. Il n'y a même plus besoin d'élever des insectes. Ça sort d'un tube, vous prenez une pilule et du coup, les marchés, les ventes d'insectes, de produits à base d'insectes sont en chute. Et les prix baissent puisque les gens n'en veulent plus. Il faut presque nous le donner. Allez, à tout achat de deux pilules protéinées, vous recevez un pain aux insectes. Allez. Entre parenthèses, c'est déjà le cas pour les voitures, ça. Il y a Cardoon qui a fait une publicité il y a 4 ans. À tout achat d'une voiture, recevez une Fiat 500 gratuite. Fiat n'était pas très content. La concurrence en déclin, parce que plus personne ne se fatigue à faire des produits à base d'insectes, hein, puisque ça ne rapporte plus rien. Mon objectif alors, c'est tant que je continue à produire, il faut que je vende. Donc je veux faire du cash que je pourrais réinvestir à ce moment-là dans autre chose. Dans ma recherche et développement pour fabriquer des pilules protéinées. Et donc, je vais essayer d'en vendre partout, y compris là où j'étais pas. Je vais en vendre par Internet et chez le paquet du coin et dans la grande distribution qui en veut déjà plus puisque ça ne se vend plus et de porte à porte et bref, tous les canaux possibles histoire de faire encore du cash. Je vais évidemment plus avoir une gamme de 350 produits différents. Le profit sera de plus en plus bas. Les clients, ce sera ceux qui continuent à préférer ça que les pilules. Parce que les pilules, c'est quand même que de la chimie. Tandis que au moins les insectes, c'était de l'organisme vivant, quoi. On savait ce qu'on mangeait. La distribution donc sélective, une niche. La niche des traditionnels qui veulent encore bouffer de l'insecte. Je ne vais plus faire de pub, puisque ceux qui en consomment encore, ils me connaissent, ils viennent en chercher régulièrement. Ça ne sert à rien que je dépense de l'argent à faire de la pub. Et donc mon objectif, c'est milk the cow, traire la vache. Lui tirer encore tout le lait qu'elle peut me donner, jusqu'à ce que le lait soit tari. Faire du cash. Ça se fait, effectivement, à condition que vous apportiez une nouvelle valeur par le lifting. Ça peut se faire. Maintenant, si personne n'en veut quand même, vous avez beau relifter, ça va vous coûter de l'argent et ça ne va pas vous en rapporter si vous n'en vendez toujours pas. Donc, c'est quand même la demande qui est maître du marché à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. De nouveau, il faut lui apporter de la valeur ajoutée. C'est exactement ce qui se passe pour les smartphones. Avec les premiers smartphones, on savait qu'ils allaient rien faire. Hein? Avec ceux qui sortent aujourd'hui, on peut regarder la télé, on peut faire des selfies des deux côtés, on peut faire des vidéos des deux côtés, on peut le goût de son café avec, on peut s'essuyer derrière avec, on peut faire tout avec le nouveau smartphone. Chaque fois, la nouvelle gamme apporte une nouvelle valeur ajoutée, on espère, avantageuse pour le client. Mais il y a un moment où ça s'arrête. Hein. On inventera autre chose que les smartphones. On a fait pareil avec les appareils photo. Le suivant, il a 7 millions de pixels. Qui a acheté un appareil photo ces derniers temps? Plus personne n'achète un appareil photo. On ne sait même plus ce que c'est qu'un appareil photo. Alors, je ne vous parle même pas d'un appareil photo avec des films argentiques, hein, où il fallait bobiner, rebobiner et développer. C'est incompréhensible aujourd'hui. Mais dans quelques années, ce ne sera même plus un smartphone hein, qu'on va utiliser. Ah, une paire de lunettes, et pour faire une photo, on clique à l'œil, c'est pas tout. Hein, plus besoin d'avoir un truc lourd dans sa poche, qui casse quand il tombe, qu'on oublie, qui tombe dans les toilettes, etc. Je vois qu'on a les mêmes expériences. Il parle de Google Glass. C'est vrai qu'il y a plein de pains avec un smartphone. Hein. Bon. Oui, attendez. Oui. Mais oui, ça marche pas. Au modelage de la mode, c'est-à-dire qu'il y avait des vintage, par exemple, pour l'appareil photo, maintenant on revend. Ah oui, il y a des trucs qui reviennent, absolument. Ah oui. J'ai d'ailleurs supervisé l'année d'avant, un mémoire qui démontrait que. Aujourd'hui, on vend plus de disques vinyles qu'autre chose en musique. Ça, c'est extraordinaire, parce que les disques vinyles, ça c'est de ma vieille époque. Hein. Mais non, c'est pas la qualité, ça. On entend scratch, mais c'est ça qui guille, hein, plutôt qu'un son numérisé qui est atone, comme ça, et compacté. Donc, oui... On réinvente des modes et on ressort les produits. Et donc, si je mettais en vente les 3000 vinyles que j'ai chez moi, je pourrais devenir riche. Parce qu'ils ont plus de valeur aujourd'hui qu'ils n'en avaient quand je les ai achetés. Mais ça va durer un temps. C'est une niche. Et c'est pas sûr que tous les produits connaissent ce renouveau. Tel le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. c'est vrai que depuis que je suis gosse, j'ai vu réapparaître au moins 5-6 fois le jeu qui s'appelle le hula hoop. Et le yo-yo aussi. Et le Scooby-Doo aussi. Etc, etc. Tous des jeux qui sont nés dans les années 50-60 et qui sont vintage aujourd'hui. Oui. Pardon ? Breakthrough opportunity. C'est un terme d'anglais qui veut dire une possibilité de percer sur le marché. Une possibilité de percer sur le marché. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait poser une question là-haut tout à l'heure. Oui, oui, absolument. Paul Arose a fait faillite et ils ont été rachetés. Et aujourd'hui, effectivement, on aime bien pouvoir sortir la photo sur papier immédiatement. Et donc, Polaroid était une, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je suis obligé de parler de plus en plus fort si vous papotez tout le temps, ça fatigue. Polaroid était une société qui, lorsque la photo était essentiellement basée sur des produits argentiques, c'est-à-dire une pellicule qui est photo-impressionnable, qu'on développe ensuite pour permettre de produire sur du papier sensible l'image que vous souhaitez imprimer. Ça voulait dire qu'il fallait acheter un rouleau de pellicule, le mettre dans son appareil, prendre des photos, ça coûtait cher. Il y en avait qui étaient ratées. Et donc, avoir une photo ratée sur 12, ça veut dire qu'on avait gaspillé un douzième du prix du papier photographique, ça coûtait vraiment cher. Donc on prenait très peu de photos, parce que de peur d'en rater une. Okay ? Puis il fallait prendre le rouleau, le mettre précautionneusement dans un emballage noir, l'amener chez un photographe, qui l'envoyait à une usine, qui développait la chose, qui l'imprimait sur du papier, qui le renvoyait au photographe, et vous pouviez aller chercher des photos et les observer 10 jours, 12 jours plus tard, et vous ouvriez avec plein d'enthousiasme l'enveloppe, et vous découvriez que les trois premières étaient floues, que la troisième vous aviez photographié vos pieds, qu'ensuite il y en avait une qui était belle, mais mal cadrée. Et donc, sur les 12, il y en avait 6 qui étaient OK et 4 qui étaient retenables. Polaroid a révolutionné le marché en disant plus besoin d'attendre 12 jours. Vous prenez la photo et elle sort tout de suite de l'appareil. C'était des photos de merde. C'était développé simplement par passage d'un produit chimique rapidement entre deux rouleaux sur le papier en question. C'était just for the fun to see me myself smiling. C'était en fait l'idée du selfie avant l'âge. C'est ça, hein? On se prenait des photos, clic, clic, clic, et on s'est distribué tout de suite. Et on repartait avec. Au bout de 15 jours, elle était devenue bleue. Et puis, un an après, on ne pouvait même plus distinguer ce qu'il y avait dessus. Donc, un produit pas terrible, mais qui répondait à un autre besoin. Immediate fun. Et ils ont fait un marché formidable et colossal avec ça. Mais avec l'arrivée du numérique, où on peut prendre 3542 photos et les regarder tout de suite sur l'écran, ben ça ne voulait plus rien dire du tout. Hein. Et ça coûtait très cher. Donc, ils ont fait faillite. Mais maintenant, avec la mode du selfie, eh ben, ça revient. Ça revient. Si on veut posséder un truc tangible dans sa poche, parce que sinon, je prends une photo de toi et je te l'envoie par Snapchat et tu l'as tout de suite sur ton smartphone, donc tu l'as aussi dans la poche. Mais elle n'est pas palpable. Voilà, donc ça revient pour ça. De nouveau, vintage, niche, revival d'un produit. Mais il ne faut pas espérer ça tous les produits. Hein. Et alors, en attendant, Polaroid a quand même fait faillite, hein, puisqu'ils vendaient plus bien et les profits se font défoncer. Et ils n'avaient pas de piste de différenciation, de renouvellement. Et ça, ça nous amène au thème suivant. C'est assez dommage quand votre produit principal ou votre seul produit arrive en déclin et que vous n'avez rien d'autre pour le remplacer. Alors vous êtes bien emmerdé. Parce que si vos ventes baissent et vos profits baissent, eh ben, vous êtes obligé de virer vos vendeurs, vous êtes obligé de virer votre personnel, vous êtes obligé de virer votre production. Et après, on disparaît. Sauf si on peut rebondir sur un nouveau produit. Voilà pourquoi on va manager des portefeuilles de produits. Des gens comme 3M, ils inventent des milliers de nouveaux produits chaque année. Parce que quand le post-it est arrivé à maturité, eh ben c'est plus ça qui fait du profit. Donc on doit inventer autre chose. Peut-être dans un tout autre domaine, peut-être dans le domaine chirurgical. On va inventer des produits qui permettent de recoller les intestins qu'on a découpés, plutôt que de les recoudre. Ce serait pas mal ça. Hein? Ça se fait d'ailleurs. Hein? Ça se fait d'ailleurs. Ou on pourrait inventer des produits avec une imprimante 3D, on est capable de reconstruire l'os de la mâchoire de ce motard qui s'est cassé la gueule à moto et qui a eu la mâchoire complètement... on pourrait reconstituer l'os, mais il ne va pas être joli, le gars. Hein. Donc on va lui refaire une demi-mâchoire en plastique avec une imprimante 3D. Avec du plastique tout à fait spécial, encore plus solide que de l'os. Est-ce que c'est pas merveilleux, ça? Ça, ça pourrait faire un breakthrough. En plus, c'est un produit, ça c'est du haut de gamme, hein. C'est un produit pour la santé, on va pouvoir vendre ça avec une super belle marge. C'est du plastique. Et on va pouvoir vendre ça très cher. Ça, ça peut remplacer avantageusement le post-it. Ah mais alors, il faut recréer complètement une démarche marketing, parce que c'est pas dans les librairies qu'on va vendre ça, c'est dans les hôpitaux. Ah bon, et donc le client, ça va être un médecin, chirurgien, maxillofacial. Ah bon, c'est une niche ça, c'est pas... Donc ça sert à rien que je fasse de la pub à la télé, pour ça. Ok ? Je vous parle de choses réelles, hein, là. C'est pas de l'utopie, c'est de la réalité, ça. Et donc, c'est très important d'avoir un portefeuille de produits de façon à compenser les déclins des uns par les croissances des autres. Et on a imaginé un certain nombre de modèles de gestion des portefeuilles produits. En voici un qui s'appelle le modèle BCG. Le modèle BCG, pourquoi BCG? Parce qu'il a été inventé par le Boston Consulting Group. Alors, le premier qui a l'examen me parle du modèle BCBG, il risque de ne pas passer les fourches Covid. Hein. Modèle BCG, je n'aurais pas dû mettre ça en jaune. Basé sur deux variables d'appréciation, quelle est la part de marché relative? C'est-à-dire, ce produit-là, par rapport au produit leader du marché, il fait combien? Il fait la moitié du produit leader? Ou il fait un quart du produit leader? Ou il fait 10% du produit leader? Donc la part de marché relative, élevée ici, faible là. Et en ordonnée, le taux de croissance. Le taux de croissance, ça veut dire, j'en vends de plus en plus. Où j'en vends de moins en moins. Alors, quand vous lancez un nouveau produit, toute innovation va se trouver dans ce carré-là. vous aurez une part de marché relative qui est faible et un taux de croissance qu'on espère élevé. Ok ? Tant qu'il est là, votre produit, on l'appelle un problem child, un enfant à problème. On n'est pas sûr qu'il va réussir dans la vie. Un peu comme vous, quoi. C'était, la pêche était grande. Et si le taux de croissance n'est pas suffisant, le taux de croissance est faible, alors votre produit il est éliminé tout de suite. C'est un deuil. C'est une nullité. Ce modèle aide à gérer vite le lancement de produits et le retrait de produits éventuels avant qu'il ne consomme trop de nos ressources. Si par contre le taux de croissance reste élevé, ça veut dire que la part de marché relative va croître. Alors votre problem child devient une star. Ah, mais ça c'est formidable. C'est le produit que tout le monde veut, le produit qu'on s'arrache. Ça devient une star. Chouette. Ça, c'est le produit sur lequel je vais investir beaucoup de com et sur lequel je vais axer beaucoup d'efforts. Ce produit va me rapporter à ce moment-là pas mal d'argent. Et puis à un moment donné, il va atteindre son cycle de maturité et là, le taux de croissance va diminuer, d'accord ? À ce moment-là, ce produit va devenir ma vache à lait, cash cow. Ma vache à lait qui va me rapporter des volumes d'argent que je vais pouvoir investir pour recréer des nouveaux problem child, des nouveaux produits. Je dirais même que c'est là que je dois, comme mon produit est là, que je dois commencer à en créer des nouveaux. Pour qu'au moment où mon produit star devient une vache à lait, j'ai déjà lancé mon nouveau problem child qui a peut-être à ce moment-là, si j'investis suffisamment, des chances de devenir une star. Parce que sur X produits nouveaux que je lance, il y en a très peu qui deviennent des stars. D'accord ? Pour vous donner une idée, dans une boîte comme Danone, on invente à peu près 10 000 nouveaux produits par an. Et les ingénieurs dans l'agroalimentaire imaginent 10 000 nouveaux produits par an. Sur les 10 000, il y en a à peu près 10 qui arriveront jusque sur le marché. Tous les autres, c'est pas bon, c'est pas top, c'est trop difficile à fabriquer, c'est pas différenciateur, on les a éliminés. Déjà dans les laboratoires et dans les premiers tests de marché, etc. Il y en a 10 qui arrivent sur le marché. Sur les 10, il y en a 3 ou 4 qui vont se retrouver réellement dans la maison de la grande distribution alimentaire. Et il y en a un qui va réussir à devenir une star. Beaucoup d'efforts, hein ? Beaucoup d'efforts. En produits pharmaceutiques, pareil. Et là, en plus, le cycle de travail, d'études, de recherche et de développement peut durer 15-20 ans. Pendant 15-20 ans, vous avez des labos et des ingénieurs qui travaillent sur des nouveaux produits médicaux qu'on met sur le marché pour faire des tests alpha et des tests bêta avant qu'ils ne reçoivent l'autorisation chez nous du ministère de la Santé aux États-Unis de la Food and Drug Administration pour être mis sur le marché. Mais comme le brevet a déjà été déposé il y a 5 ans, votre brevet qui a une durée de valeur de validité de 15 ans a déjà perdu 30% de sa valeur. Vous avez 10 ans pour vous faire des en or avec le produit. Après ça, il tombe dans le domaine public et tout le monde pourra le copier et faire du générique. D'accord ? Donc vous avez intérêt à déjà penser au produit suivant. Vous comprenez pourquoi ça coûte très cher de lancer un nouveau produit ? La recherche et développement, ça peut être colossal. Hein. Ça, c'est le modèle BCG. Ouais, je vous ai expliqué, c'est un exemple pour Belgacom Proximus. C'est pareil. Alors, c'est un modèle, hein, mais on peut se demander si est-ce que c'est vraiment un bon critère d'appréciation, le taux de croissance ? Est-ce que c'est vraiment un bon critère d'appréciation, la part de marché relative ? Parce que ça présuppose déjà qu'il y ait beaucoup de concurrents, qu'on est dans des produits de grande consommation, etc. Donc c'est un modèle qui est applicable essentiellement pour des boîtes comme Unilever, Procter & Gamble, qui inventent des nouveaux Danone, qui inventent des Nestlé, qui inventent des nouveaux produits agroalimentaires, tous les ans. On pourrait utiliser d'autres critères d'évaluation, si c'est des produits sidérurgiques, on pourrait utiliser d'autres critères d'évaluation de la validité des produits dans le portefeuille. Par exemple, la durée de vie de la technologie, durée de vie potentielle de la technologie. Difficile à estimer. Ici, avec le modèle BCG, ça mérite au moins de se baser sur des choses qui sont à l'heure actuelle mesurables grâce à des études Nielsen, etc. Donc, on peut mesurer, c'est pas mal. Ça, c'est différenciation par le produit et tout ce que j'avais à vous raconter à propos du produit. D'autres questions à ce sujet-là ? En fait, ce que la différenciation par les produits va essayer de faire, c'est d'apporter des solutions qui limitent ou éliminent les pains du client dans le cadre de la consommation de ce produit ou de service-là, ou qui lui apportent des petits plus de valeur ajoutée, qui lui apportent des gains, toujours évidemment en comparaison avec les concurrents. Une autre manière de se différencier, c'est de se différencier par le canal de distribution. Place. Alors, par exemple, eh bien voilà, je suis L'Oréal et j'ai inventé un produit super sympa. C'est un produit. C'est un produit qui anti-pelliculaire. Et donc j'ai inventé un shampoing anti-pelliculaire. Donc je vais le vendre. Je voudrais en vendre des masses. Donc je vais le vendre dans la grande distribution. Ok ? Alors dans la grande distribution, un shampoing anti-pelliculaire. Il a quelle apparence ? Quel packaging ? Pardon ? Blanc et bleu, par exemple, oui. C'est quoi ? C'est une bouteille ? C'est une canette ? C'est une boîte ? Un tube ? Ou un flacon en verre ? Plastique, hein ? Plastique. Et plastique opaque ou bien transparent ? Opaque, ok. Et à l'intérieur, le produit, il ressemble à quoi ? Il est blanc ? Un anti-pelliculaire ? Transparent. Transparent ? Oui, transparent, mais blanc. On va croire qu'il est anti-pelliculaire s'il est blanc ? Comme une poudre à lessiver toute blanche. Vous croyez qu'elle est blanchissante ? Ah non, non, hein. Il faut les petits grains bleus dedans, hein. Sinon, elle n'est pas blanchissante. Hein. Donc, un shampoing de couleur blanche, pas sûr. Hein. Faudrait peut-être qu'il y ait des paillettes dedans ou un truc comme ça. Hein, ou qu'il soit vert pomme, quoi. Hein, un truc. qui marque. Bon, et il va être vendu à, en flacon de combien? Pardon? 250 millilitres, absolument. Et combien? Quel prix? Prix de vente publique? Ouais, 3,99 on dirait. Hein, le prix magique. 3,99. D'accord. Bon, et puis, c'est bientôt le bal de philo. Ce jour-là, on passe chez le coiffeur, non? Et alors on dit au coiffeur, ah, j'ai un petit problème de pellicule. Comme j'ai une petite robe noire ce soir, j'aimerais autant qu'elle reste noire. Hein? Donc, si vous pouviez utiliser le shampoing anti-pelliculaire, ça me ferait plaisir. D'accord. Et vous savez quoi? C'est le même shampoing que celui que vous utilisez tous les jours. Mais quel est son conditionnement chez le coiffeur? Pardon? Non, non, le conditionnement, le packaging. J'essaie de parler français. Pardon? 250 millilitres? Ah non, c'est un bidon de 5 litres. Ok, le premier, il s'appelait peut-être DOP anti-pellicule. Ok? Chez le coiffeur, il va s'appeler DOP anti-pellicule? Non, hein? Il va s'appeler comment? L'Oréal Expert. L'Oréal Expert anti-pelliculaire. Ça saute bien. Il va être de la même couleur, vert pomme agressif? Ah non, hein? Il va être nacré, irisé, d'accord, peut-être avec des paillettes dedans. Et il va vous coûter combien? 3,99. Le shampoing, c'est 15-16 minimum. Hein? Le même produit vendu dans un autre canal de distribution et tout le marketing a changé. Et puis, ça continue, hein, malgré ce shampoing-là. Alors, vous allez trouver votre dermato, et vous lui dites, pour faire quelque chose, hein, parce que même en demandant un shampoing anti-pelliculaire à mon coiffeur, j'ai quand même trouvé quelques taches blanches sur ma petite robe noire. Faut que vous fassiez quelque chose. Le type dit, je vais vous faire une prescription, hein, pour un onguent spécial anti-desquamation. Et vous allez chercher ça où? Chez le pharmacien. Chez le pharmacien qui va vous le vendre dans quel type d'emballage? Hein? Une petite boîte blanche dans laquelle il y a quoi? Un petit flacon brun. D'accord? Et il est écrit quoi? DOP anti-pelliculaire? L'Oréal Expert? Ah non, il va y avoir écrit La Roche Posée, produit dermocosmétique, spéciale utilisation pharmaceutique, anti-desquamant. Et la formule chimique qui contient de l'isopropényl butane triphényl à 0,5% et aqua distillata quod sufficiens pro 100 millilitres. C'est du latin qui veut dire le reste c'est de la flotte. En fonction du canal de distribution, cher ami. Le premier canal, c'était grande distribution alimentaire. Le deuxième canal, c'est les coiffeurs. Le troisième canal, c'est les pharmacies. Le même produit, vendu avec trois marketings différents, en fonction du canal de distribution. Alors, peut-être que celui en pharmacie aura une concentration plus élevée. C'est-à-dire que moins d'eau, plus de produits agissants, en gros. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, en fonction du canal de distribution, tout le marketing va changer. Par exemple, un fabricant de machines à laver ou d'électroménager, il y a Aldi qui lui téléphone et qui lui dit j'aimerais bien faire une offre promo spéciale sur des sèches-cheveux l'an prochain en hiver. J'ai besoin de 1 million de sèches-cheveux. Vous pouvez me les fournir ? Oui. Seulement, moi, je suis Babyliss. The Mark of the Sèche-Cheveux. Ok ? Attends. Chez Aldi, vous avez dit. Ça va être un peu difficile quand même. Parce que j'imagine que vous allez vouloir le vendre à un prix tout à fait cassé. Ah, ben bien sûr, hein. Aldi, c'est le moins cher. Hein. Ah, et c'est combien, moins cher? Ah, ben, je vais le vendre à 10. Ah, oui, mais non, ça ne va pas. Hein. Partout ailleurs, mon sèche-cheveux Babyliss, il est vendu à 40. Vous ne pouvez pas le vendre à 10. Ah, ben, vous avez l'intention de le vendre à 10, je vous en achète 1 million. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'accepte? Non? Ah oui, je vais casser mon marché si je fais ça. Je vais casser mon... Et puis je vais casser mon image de super pro du sèche-cheveux, quoi. Qu'est-ce que je fais alors? Évidemment, hein. J'accepte évidemment, je ne vais pas laisser passer 1 million de ventes, mais je ne vais pas les vendre sous la marque Babyliss. Je vais les me vendre sous la marque Aldiliss. Et je vais changer un petit truc de façon à ce qu'on ne reconnaisse pas le Babyliss, évidemment. Hein. Il ne sera pas de couleur mauve. Il sera de couleur chocolat bleu pâle. Et puis je vais enlever 2-3 petites subtilités que de toute façon, chez Aldi, s'il faut faire du prix, ben, ça ne sert à rien que je mette ces fonctionnalités supplémentaires. Donc je vais prendre un modèle de base, je vais le mettre en chocolat bleu pâle plutôt qu'en mauve. Comme je ne vais pas mettre le nom Babyliss dessus, je vais mettre le nom Aldiliss et je vais gagner le marché. En fonction du canal de distribution, le même produit peut être vendu sous un autre nom, sous une autre appellation. Et donc, avoir une valeur perçue complètement différente. Aux États-Unis, les Japonais qui avaient du mal à vendre des bagnoles, Honda en particulier, il faut savoir quand même que les Américains ont perdu quelques hommes dans la guerre du Pacifique, hein. Abattus par des avions qui étaient fabriqués par Mitsubishi, Honda, et des gens comme ça. Hein. Et donc, ils n'aimaient pas trop les produits américains. Et donc, Honda, ils ne voyaient pas beaucoup de monde arriver dans ces concessions. Donc, ils ont décidé de lancer un nouveau produit, rien que pour les États-Unis, super haut de gamme, tout à fait répondant à la demande des produits américains, ressemblant réellement à une voiture américaine, et ils l'ont appelé Acura. Et ça s'est très très bien vendu, parce qu'ils ont eu l'intelligence de ne pas les vendre chez les mêmes concessionnaires que Honda. Ils ont créé tout un réseau de concessionnaires Acura et tous les Américains ont cru que c'était un nouveau produit américain. Et ils ont acheté des Acura. Ils n'achetaient pas des Honda, c'est produit pour les phases de prune, mais ils achetaient des produits Acura. Ok ? Et donc, vous pouvez renverser un marché en modifiant le canal de distribution. Alors, est-ce qu'on a besoin de canal de distribution? Ben, oui, si l'accès à la cible est difficile, ou lointain, ou si vous ne connaissez pas bien la cible. Je vous ai déjà expliqué que si vous voulez pénétrer le marché luxembourgeois, ben vous aviez intérêt à avoir un vendeur qui parle Letzeburgisch. Sinon, ça ne va pas passer. En Belgique, vendre un produit qui serait unilingue français, ça ne va pas passer en Flandre. Albert Heijn qui pénètre le marché de la distribution alimentaire en Belgique, qui a 50 magasins, est uniquement en flamme parce que tous leurs emballages ne sont qu'en flamand. En Hollande et plutôt. Donc, ils ont besoin d'un canal de distribution, ces gens-là. Des gens qui parlent la langue. En matière de distribution, il y a des tendances. Il y a des tas de marchés sur lesquels le distributeur saute ces derniers temps. Par exemple, les voyages. Vous allez encore dans une agence de voyage pour acheter un billet d'avion ? Vous vous rendez compte, c'est un distributeur qui a vu son marché s'effondrer complètement. Parce qu'aujourd'hui, on achète ça directement, soi-même, sur Internet. Est-ce qu'on a besoin d'une brochure pour voir si l'hôtel est bon ? Ben, on fait quoi ? Trivago nous le dira, hein, si c'est bon ou si c'est pas bon. Et en plus, il nous donne l'impression que c'est moins cher. Donc, en fait, il n'y a plus de quoi rémunérer un intermédiaire distributeur. Donc, si cette agence de voyage a envie de continuer à exister, qu'est-ce qu'elle a intérêt à faire ? À vendre des produits qui ne sont pas les produits standards. Sans ça, il est mort, hein ? On va directement chez le producteur. Oh, le producteur, c'est qui ? Un tour opérateur ? Ben non, hein, puisque maintenant, il y a Airbnb. J'ai même plus besoin de passer par un tour opérateur qui a acheté des chambres d'hôtel. Je passe directement chez l'habitant. Donc, il y a beaucoup de marchés dans lesquels il y a des intermédiaires qui sautent. Et le canal de distribution devient de plus en plus en direct. D'accord. Mais ce n'est pas nécessairement plus facile. Parce que il faut quand même négocier avec les producteurs de services. Il faut aller trouver les hôtels en disant « ça vous intéresse de venir sur Booking.com ?» Il faut prendre une marge au passage, donc il faut négocier. Il faut entretenir le site. Il faut imaginer des techniques de marketing comme le remarketing. Vous êtes allé voir sur booking.com pour booker un hôtel pour votre mini-trip avec votre amoureux à Londres ce week-end. Vous n'avez pas acheté. Parce qu'il y en a peu qui vont jusqu'au bout. Mais ce soir, vous avez sur votre email un mail de booking.com en disant « Vous vous êtes intéressé à Londres, vous êtes toujours partant. Ici, voici quelques offres. Hein? » Tout ça, ça coûte de l'argent à mettre en place. Okay? Donc, les marchés se modifient et les modes de distribution se modifient grandement. Et il y a des marchés dans lesquels on était en circuit indirect et on est devenu en circuit direct, et il y a des marchés où on était en circuit direct et on est devenu en circuit indirect. Dans le temps, acheter des fruits et légumes, ça se faisait au marché. Et qui venait au marché ? Celui qui produisait les fruits et légumes. Il les amenait là et le consommateur les achetait au marché, directement du producteur au consommateur. Maintenant, il n'y a plus un producteur de poireaux qui vient vendre lui-même ses poireaux sur le marché. Sauf dans les marchés bio. Donc, ça a disparu au profit de quoi ? Ben, d'un marchand de marché, hein, qui lui achète à la veilling, on appelle ça à la criée, donc, hein, au marché aux fruits et légumes le matin ou la nuit. Et puis, donc, il y a un intermédiaire de plus, voire éventuellement une grande distribution qui vous vend vos poireaux. Et aujourd'hui, on revient à, de nouveau, les producteurs qui louent un local. Et il y a un producteur de viande, un producteur de poireaux et un producteur de pain. Et ils viennent louer un local et tous les jeudis, il y a un marché bio à tel endroit. Et donc, On se passe des distributeurs, on y revient, on se passe, on revient. En fonction de l'évolution du marché. Alors, ce qu'il y a aussi, ce dont il faut se rendre compte, c'est que dès que vous mettez un intermédiaire, votre action marketing va devoir être dédoublée. Alors, tant que vous êtes producteur qui vend directement à la cible, vous pouvez parler directement à la cible, concevoir un prix destiné à la cible. Mais si vous utilisez un distributeur, il faut penser à votre marketing. Et donc, si par exemple vous êtes L'Oréal qui vend au travers de la grande distribution à la cible, ben vous allez devoir faire du pull. Du marketing pull, ça veut dire s'adresser à la cible de façon à ce que la cible tire le produit vers elle au travers du canal de distribution. Vous avez vanté les mérites de votre shampoing antipelliculaire à la télé. Le client s'amène chez son droguiste et dit « Est-ce que vous avez le nouveau L'Oréal antipelliculaire ?» Donc c'est le marché qui tire le produit vers lui. Marketing pull. Ou alors, vous avez des techniques de marketing push, où c'est l'essentiel de la communication se fait au travers du distributeur. Et je vais convaincre le distributeur de dire du bien de mon produit. Jones Blair va trouver un revendeur de peinture et lui dit « Prends mon produit et conseille mon produit à ton client. » Et donc là, c'est le distributeur qui pousse le produit vers le client. C'est une autre forme de marketing avec des outils différents. Là, je dois convaincre le revendeur de prendre le produit en exclusivité et de dire du bien de lui. Donc, c'est essentiellement de la formation que je vais lui donner, de la publicité coopérative que je vais lui donner, des gratuits que je vais lui donner. Alors que dans une technique pull, je vais dire au client « Oh, la peinture, c'est Jones Blair le meilleur, c'est ça qu'il faut prendre. » Et je vais dire ça à la télé. Ok ? Dans bien des cas, vous êtes obligé de faire la même. Il y a un cas connu comme ça dans les années 80 en Belgique. Je vous ai déjà parlé de Spa. Hein ? Spa qui avait la chance extraordinaire sur le marché américain sur lequel il voulait s'installer, d'avoir un nom qui dit de par lui-même « Je suis de l'eau thermale de source ». C'est le seul à pouvoir s'appeler comme ça. Spa, c'est ça que ça veut dire en américain. Ok ? Et donc, ils ont compté là-dessus et ils ont fait une grosse pub aux États-Unis pour faire connaître leur produit et le vendre. Donc, ils ont utilisé des techniques pull, okay, de la télé, etc., essentiellement sur la côte Est. Le problème, c'est qu'ils ont lâché l'essentiel de leur budget, ça coûte cher de faire de la télé aux États-Unis, ils ont lâché l'essentiel de leur budget dans ces communications pull publicitaires. Ah oui, mais quand le client s'est amené dans son magasin favori, Kmart, et qu'il a dit « Je voudrais de la spa water », on lui a dit « De la quoi ?»« De la spa water. » Vous savez, la publicité à la télé. « Ah, on n'a pas ça, pourquoi vous ne prenez pas de l'eau américaine ?» En fait, il fallait d'abord aussi convaincre les distributeurs Kmart, Costco, Walmart et compagnie de prendre l'eau en assortiment. Et vous croyez qu'ils vont faire ça gratis? Mais sûrement pas. Introduction d'une référence, chez Carrefour par exemple, une référence, 10 000 euros, avant de commencer. On ne discute même pas avant du prix. Hein. 10 000 euros, rien que droit de référencement. Ah oui, vous comprenez bien, je vais devoir encoder votre barcode, je vais devoir encoder le poids, le volume de l'emballage, je vais devoir encoder votre référence, etc. Donc, il faut participer à un projet administratif. Donc, droit de référencement, 10 000 euros. Ça, c'est en Belgique. Aux États-Unis, on n'est même plus du tout dans la même pièce. Donc, il faut consacrer aussi du budget à des techniques push pour que le revendeur accepte de défendre votre produit. On essaye de plus en plus de faire du relationship marketing, essayer d'éviter de discuter tout le temps de baisse de prix, mais plutôt de partenariat. Okay? Allez, on ne va pas baisser notre prix de notre poudre à lessiver, mais on va te refiler tous les résultats de nos études de marché à propos des parts de marché des uns et des autres pour tout le rayon poudre à lessiver. Ça t'intéresse, ça? Oh oui, dit Deleuze. Ça m'intéresse. Mais attention, si je fais ça, moi, Procter & Gamble, tu vis Romo alors. Hein? Allez, d'accord, je vis Romo des rayons. Romo, c'est Unilever, okay? Le gros concurrent de Procter & Gamble. Et donc, alors je te donne tous les chiffres et on va réorganiser complètement le rayon en fonction des réelles parts de marché. Ça, c'est de la collaboration commerciale. Et donc, je demande moins de réduction de prix à Procter & Gamble. Je peux aussi avoir des réseaux de distribution qui sont les miens. Je fais des produits cosmétiques. Je m'appelle Yves Rocher. Je vais ouvrir des points de vente où on ne vendra que du Yves Rocher. Et ces points de vente, oh, ça coûte cher d'ouvrir des points de vente et de payer du personnel. Non, non, je vais faire ça d'une manière plus intelligente. Je vais dire à des indépendants, vous êtes esthéticienne, cher ami. Oh, mais comme ça, c'est bien. Vous avez déjà un petit cabinet et ça tourne? Ah, pas trop. Vous avez du mal à avoir des clients. Eh bien, moi, je vous propose ceci. Vous allez pouvoir mettre l'enseigne Yves Rocher, qui, comme vous le savez, est très bien connue et très recherchée. Et vous ouvrez votre cabinet et vous ne vendez que mes produits après. Ça vous va? Donnant, donnant, je reçois le nom Yves Rocher qui permet d'avoir tout de suite une clientèle beaucoup plus importante. Moyennant quoi, je donne l'exclusivité des produits à Yves Rocher. Ça, ça s'appelle de la franchise. Franchising. Alors, il y a des circuits ultra court, je crois que j'en ai une illustration, non, je n'ai pas eu. Les circuits ultra court, c'est quand le producteur vend directement au consommateur. Et vous avez là évidemment tous les avantages. Hein. La marge est élevée puisqu'on peut vendre à un prix public et garder toute la marge pour soi. Parce que quand vous achetez du vin chez le producteur, ne croyez pas que vous avez un meilleur prix qu'en magasin. Hein. Il n'est pas fou, le producteur. Hein. Il vous vend sa bouteille de pinard au même prix que vous allez la trouver dans le commerce. La différence, c'est que c'est lui qui se garde la marge. Alors que s'il l'avait vendu au travers d'un commerce, il aurait dû donner 25% au commerçant. Et donc, vous voulez le... Ah, vous préférez le 2011 ou le 2012? Pas de problème, j'en ai encore en cave, je vais vous le chercher. Flexibilité. Ah, parfois, il y a de la concurrence dans le patelin. Hein. Si vous allez en Bourgogne en particulier, il y a 50-60 producteurs par village. Mais, chez moi, il n'y a que moi. Hein. Évidemment, je suis déjà viticulteur, c'est déjà un fameux métier, très prenant. Je suis aussi vinificateur, c'est un tout autre métier qui fait appel à de la chimie, etc. Et en plus, je dois être commerçant, avoir un local pour vendre, une caisse enregistreuse, du personnel qui fait la dégustation. Attends, mais je ne sais pas tout faire, moi j'ai que deux mains. Hein. Qu'est-ce que je fais? Ben, je peux mettre ma femme pendant un certain temps. Mais ma femme et la dégustation, elle n'aime pas le vin déjà. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je dois engager un œnologue? Ou bien je vais confier ça à mon fils? Mais il a 17 ans. Il n'est pas crédible face à des... Et puis alors, comment je vais faire quand il y a un quart de Hollandais qui va débarquer pour déguster? Où est-ce que je vais les mettre? Et comment est-ce que je vais pousser à la vente? Parce que les Hollandais, ça vient pour déguster, pas pour acheter. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, je n'ai pas les ressources pour faire ça, ce n'est pas facile. Je dois gérer du personnel, et puis ce n'est pas comme ça que je vais écouler les 3000 hectolitres que je fais chaque année. Avec des cadres de Hollandais, sûrement pas. Donc, ça n'est pas nécessairement simple. Il vaudrait peut-être mieux que je vende au travers d'un circuit un petit peu plus long. C'est un circuit court quand même. Hein. Je vends au magasin, au caviste du village. Du village, ou alors à Nicolas, qui est caviste partout en Europe. Ça, c'est chouette aussi, ça. Ce qui est chouette, c'est que je peux garder le contact direct avec le marché. Je vais faire ma pub. Hein, je vais faire ma pub. Voilà, c'est mon vin, c'est Château Lacombe, Margaux. Hein, et je fais ma pub dans les magazines et j'explique le millésime. Donc je suis en contact avec le marché. Hein, je suis en contact avec M. Parker, avec M. Bétané des Sauves, avec tous les critiques de vin qui disent du bien de moi. Je maîtrise la com. Et j'ai un bon contrôle du circuit. Je m'assure qu'on ne vend pas le Château Lacombe Margaux à 10 euros, alors que le prix normal de vente, c'est 29. Quoique, le jour où Cora en achète deux palettes, c'est quand même ça qu'il va faire. Hein. Et donc, je ne maîtrise pas tout à fait mon positionnement marketing quand même. Ah, et en plus, pour le vendre chez Cora, j'ai dû les convaincre de le prendre. Donc j'ai dû faire de la pub aussi push. J'ai dit à Cora, ok, je te donne autant de bouteilles gratuites. Et puis alors, Cora, il m'a acheté 50 palettes. Ah, je les ai produites il y a 2 ans, ces bouteilles-là, puisque c'est du... Attendez, non, c'est du 2012. Donc je les ai produites il y a 4 ans. Hein, vinification pendant 2 ans en fût de chêne, puis mise en bouteille, et puis elles arrivent sur le marché maintenant. Autant dire que mon coup, il a déjà eu lieu il y a 4 ans. Et puis je les vends 50 palettes à Cora, et Cora, il me paye tant? Dans 4 mois. Et donc, pendant ce temps-là, j'ai pas un bal de cash. J'ai déjà dépensé pour la pub, j'ai déjà dépensé pour le transport, j'ai déjà dépensé pour la production, et j'ai toujours pas un bal de cash. Il me faut ce qu'on appelle du fonds de roulement. Il faut que je puisse continuer à vivre et à entretenir mes vignes en attendant que Cora me paye. C'est pas facile, ça. Et puis, je vais avoir besoin de logistique et de stockage. Attention, Cora, il n'accepte que sur palette euro. Ah, flûte alors. Moi, ce n'est pas des palettes euro, c'est des palettes chep. Je dois enlever toutes les bouteilles de la palette chep et je dois la mettre sur des palettes euro. Vous vous rendez compte du boulot? Donc, je dois avoir... Et aussi, attention, il va être en promo chez Cora. J'ai intérêt à avoir du stock pour suivre la demande. Parce que si jamais Cora est obligé de dire « Ah, désolé, on a tout vendu », le client, il déteste ça. Hein. Donc Cora va m'obliger à avoir du stock. Donc, vendre au travers d'un intermédiaire, ça a des avantages et aussi des inconvénients. Et parfois, le circuit est encore plus long. Mais pour ça, mes amis, ce sera le prochain truc. Donc, je vous dis prochain.